de Rétro Nouveau est une présentation de Martin Houle, Sébastien Bouchard, Marc-André Frappier et Steve Lévesque. Merci pour vos dons, les boys. Rétro Nouveau. Oui. All right. Hey. Oh. Oh! T'es là, Bruno? Ah ça ouais, fait longtemps que je t'ai pas vu. Colin, ça fait un bout, hein? Tabarouette, tu sais qu'on était, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'il y avait de si important que ça? Hein? Ah, il s'est passé plusieurs choses, mais faut rappeler aux gens qu'on a un horaire très, une plage horaire très, très mince. Ouais. Un soir semaine. Ouais. S'il y a quelque chose qui arrive ce soir-là, le show est cop. On est fait. Puis là, on a été pas bad-lockés, là, parce qu'on a eu d'autres choses à faire d'agréable à bleu. Puis, mais ça l'a donné là, que ça a pris du temps de show. Puis, il a fallu qu'on arrange encore nos trucs là, techniques et puis tout ça. Puis, j'ai été malade comme un chien là, vraiment pendant une semaine et demie. Là, ça marchait pas en toutes mes affaires. Donc, ben là, ça va, je suis replacé. Oui, mais regarde, tout est replacé, puis moi aussi, regarde, je suis présentement en train de je vais acheter une maison. Ben oui. De déménager, il y a ça qui arrive dans ma vie, il y a eu la fête de ma blonde, j'ai eu beaucoup de travail, il y a eu le lancement de la PS Vita avec M. Net, qui était une chose qui peut sembler pour tout le monde être juste un soir, un petit 22 minutes, mais ce petit 22 minutes-là, il demande beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Faut que tu joues à tout, puis que tu essayes toutes les fonctionnalités. Puis exactement. Tout le cossage. Non, ça demandait du travail. Fait que, regarde, on a eu des empêchements, mais bref, on est de retour. Donc, bienvenue au 20e épisode de Rétro Nouveau, enfin. Tu sais, on disait qu'on ferait rien pour le 20e parce que c'est pas si spécial que ça. Mais ça a tellement été long, finalement, que c'est devenu spécial. Alors, juste le fait qu'on soit là ce soir, c'est très spécial. Ouais. Ça fait tellement longtemps, je me sens quasiment nerveux. T'sais. Ah, mais ça, là, c'est comme notre première relation, là. Ah, je me sens pas bien, là. Non, c'est ça. J'ai mains moites. On a daté, tu sais, on a déjà fait des choses, là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas appelé. Là, on se revoit, tu sais, puis là, on sait pas trop. Est-ce qu'on couche ensemble? On n'est pas maître rouge. On n'est pas à l'aise. Pas sûr, on n'est pas à l'aise. Colin. Ouais, ben, de duo Returns, stick, meilleur que Batman. Oh yeah. Fait que, garde, toi, à quoi t'as joué pendant tout ce beau mois-là? Ouais, ben, j'ai joué à plusieurs choses, puis. Mais, ouais, je nommerai pas tout ce à quoi j'ai joué. C'est sûr, mais les affaires qui t'ont le plus marqué dernièrement. Ben, j'ai acheté une batch de jeux de DS il y a pas si longtemps, puis j'en ai vraiment beaucoup là-dedans. Okay. Puis, j'avais déjà mentionné que mon fils était un grand fan de Mario vs Donkey Kong Minis March Again. Oui. Mais dans ma batch, j'ai Mario Donkey Kong Miniland Mayhem. Ouais. Puis je dois dire que je pense que je l'aime plus que March Again. Ben, il est beaucoup plus robuste, mais en même temps, c'était un long jeu. C'était pas un téléchargement. Fait que... Un long jeu. Ben, c'est ça. Mon fils, il adore me regarder jouer à ça. Il veut toujours me regarder. Il me demande, papa, je veux voir ton DS. Là, tu sais, fuck, on fera pas rien que ça dans la vie. Mais des fois, justement, j'étais malade, j'étais fatigué, tu sais. Ben, fait que j'étais parfait. Tout seul avec. Bon, ben, viens-t'en, on va se coucher sur mon lit, puis tu vas me regarder jouer. on va relaxer, tu sais. T'es chanceux. Moi, ma fille, elle veut tout le temps pogner la manette, puis elle veut jouer. Là, elle veut pas me regarder jouer. Ben, j'ai essayé un peu de le faire jouer, mais tu sais, il a réussi des petites choses. Là, mais non, c'est quand même difficile pour un enfant de 3 ans et demi. Là. Ah, c'est sûr. Là. Mais j'ai eu bien du fun. Puis la différence avec March Again, c'est que t'as des petits cubes mauves que tu sélectionnes, puis que tu avec ton stylet, tu sais, puis que t'as une zone où est-ce que tu peux les mettre. Mario, il marche là-dessus, tu sais. Fait que tu fais de la construction de petits cubes, finalement, pour bâtir des escaliers ou pour les coincer ou les envoyer ailleurs. Mais dans Miniland Mayhem, ça y va pas à coup de petits cubes de même, ça y va à coup de plateformes. Ouais. Puis d'escaliers, de convoyeurs. Un espace d'escalier roulant. Puis, là. T'as des canons aussi à la Donkey Kong Country, là, que tes Mario, ils vont dedans. Ils collent sur les murs. Ça aussi, là, dans l'autre, par exemple. Mais t'as plein d'options dans celle-là. T'as même un éditeur qui est vraiment très réussi. Ouais, que je l'ai pas essayé, ça, par exemple. Mais c'est ça, j'ai trouvé plus beau. Mm-hmm. Puis je sais pas, j'aimais mieux comme allonger une plateforme d'un point A à un point B que de prendre un paquet de petits cubes puis de construire des escaliers avec, tu sais. Ah oui, c'est comme, sûr. C'était une bonne idée, les petits cubes, mais on dirait que ça paraît que ça vient en deuxième idée. Là, de, ouais. <t'sais. rire> Fait que, écoute, j'ai joué pas mal. Il y a, j'étais malade, tu sais. Il y a 8 niveaux, puis ouais. Il me semble. 8 mondes, oui. Peut-être même 9. Mais il y en a pas. Non, je pense qu'il y en a 8, puis dans ces 8-là, il me semble qu'il y en a 8. Il y en a 8 autres, 8 mondes, 8, plus. 8 niveaux. Ben, il y a 8 niveaux, c'est ça. Ouais. Puis tu peux toutes les refaire en niveau plus, là, ouais. Ce qui fait ils sont plus difficiles parce qu'il faut que tes petits personnages qui avancent tout seuls, ils rentrent dans le bon ordre dans la porte cette fois-là. Au lieu de whatever l'ordre, là, c'est précis. C'est Mario en premier, Toadstool après, puis Donkey en troisième, mettons, tu sais. Fait que là, faut que t'es... C'est assez compliqué, là, le chemin. Là. Mais j'ai quand même performé, là. Dans chaque tableau, t'as une médaille à ramasser, des sous, une carte, puis faut que tu ramasses tout le kit pour avoir le trophée en or, dans le fond. Quand tu passes un tableau, t'as une médaille puis un trophée, tu sais. Puis là, c'est clair que moi, je veux les médailles puis les trophées dans chacun, tu sais. Dans chacun des mondes, t'as 8 niveaux. Oui. Plus le boss de Donkey Kong, plus un genre de stage spécial où est-ce qu'il y a des tuyaux en haut puis des petits bonhommes qui tombent dans le vide. Il faut que tu places des plateformes pour les faire glisser. Oui, ben oui, c'est vrai. Puis ils tombent dans les bons espaces. Là, oui. Fait que, écoute, t'as joué vraiment moi, j'ai adoré fun. Les boss dans ce jeu-là. Ah, les boss sont hot. Je trouve ça vraiment le fun. Mm. Ben, qui est Donkey Kong, mais que tu refais de façon différente à toutes les fois. Là. Ouais, faut comme d'essayer de monter puis de tirer ses switches en haut. Tu tires sur une, après ça, un autre. C'est ça, tu fais monter tes Mario jusqu'en haut. Puis une fois rendu en haut, ils grimpent les échelles puis ils vont envoyer quelque c'est chose ça. Sur Donkey. Il faut que tu en montes trois, tu sais. Parce que l'utilisation des deux écrans, je trouvais qu'elle était vraiment justifiée dans ce jeu-là. Là, pour les jeux à la... Les tableaux à vertical où tu as un boss, là, ça fonctionne à merveille. Oui, ouais, vraiment. Puis dans Minis March Again, les boss, c'était comme juste un canon en bas. Tu pèses sur le bouton, puis ça lance un Mario, ouais. Tu sais, puis tu essayes de pogner Donkey Kong, ce qui est un petit peu plate. Mais là, c'est comme plus le fun parce que chaque tableau est très différent. Oui. Chaque boss est très différent parce que, mettons, dans le deuxième monde, c'est le monde avec les tapis convoyeurs. Fait que là, il faut que tu installes des convoyeurs. Oui. Un autre, c'est le monde électrique puis qui colle ses murs. Fait que là, ça va être le boss Mario, faut qu'il colle sur des murs, tu sais. Ça reste dans le thème. Puis des fois, c'est vraiment dur. Vraiment, vraiment. Mais il y en a, là. Il y en a du stock dans ce jeu-là. Puis t'as des tableaux spéciaux à force de passer, de ramasser toutes les scènes, tu unlock des choses. Il y a un spécial dans le sous-sol qui est un genre de mode expert avec des tableaux dans le sous-sol. T'as d'autres, écoute, ils t'en donnent là, à fond. Là. Ouais, vraiment. J'ai bien du fun avec ça. Puis je joue tellement, j'achève déjà, ça me fait quasiment de la peine. Mais c'est vraiment un bon petit jeu là, sur la DS. Puis, nice. Puis je joue sur DS aussi, hein, parce que le graphisme est plus beau. Là. Ouais. C'est... Mais il y a un truc pour que ça soit plus beau sur la 3DS, mais ça rapetisse. Malgré c'est ça, ça rapetisse l'écran. Que là, t'es comme « Ah, voyons, j'ai un gros écran, puis je vais jouer... » Ah, tu sais, ça... Ouais. Moi, c'est ça, la DS, j'aimerais ça qu'il y ait comme une micro-DS, là, tu sais, comme la micro-Game Boy, là. Ouais, ouais. J'aimerais ça qu'il y ait ça pour la DS, tu sais, parce que des fois, je me dis, les jeux originaux, là, je jouerais là-dessus, mon petit écran, puis je serais bien. Ah, c'est oui, absolument. Tu traînes n'importe. Ah, ben il rapide, pourrait t'sais. Faire un très mini DS aujourd'hui, je pense, là, avec la même résolution que le DS Lite, mettons, ça le dernier DS. Là, ça serait parfait. Là. Oui. En tout cas. Ouais, ben moi, question jeu, regarde, la PS Vita a pas mal, a pas mal pris de la place dernièrement parce que, c'est ça, il y a les jeux que j'avais à critiquer à Monsieur Net. J'ai fait des critiques à toutes les semaines, évidemment. Ouais. Puis je me souviens même pas c'est quoi le jeu que j'ai critiqué avant la semaine de la PS Vita. Parce que j'ai vu vraiment... Stardust. Ouais, ben ça je l'ai fait à PS Vita justement. Ah ok, avant la Vita. Ouais, avant la Vita, parce que ça fait tellement. Ben, c'était Mutant Mods. Oui, c'est ça, Mutant Mods. Ben justement, Mutant Mods, je vais en parler parce que. Parlons-en. Moi aussi, j'ai joué, puis je l'ai fini, puis j'ai bien aimé ça. Ben c'est ça, moi aussi j'ai vraiment aimé ça. Ça a été. Je dirais pas que ça a été une surprise dans un sens parce que je veux dire, on avait vu des vidéos, on savait un peu à quoi s'attendre, mais. Moi, ce que j'ai été surpris d'apprendre, c'est que le jeu, il existait déjà sous une autre forme avant ça, tu sais. Puis Renegade Kid, ça fait depuis 2009 qu'il essaye de sortir ce jeu-là. Faut-tu y croire, rien qu'un peu, ah ouais, t'sais. C'est clair. Puis ce studio-là, c'est eux autres qui ont fait, je pense, c'est Dementium, le nom du jeu, qui est un jeu d'horreur quand même assez populaire sur DS. OK. Que j'avais trouvé moyen, personnellement. Là, les first-person shooters sur DS, c'est pas mon fort. Un Survivor Horror? Genre? Ouais, Survival Horror. Survivor Horror. Survivor Horror. Puis non, c'est ça. Puis je veux dire, c'est un développeur quand même que les gens aiment. C'est un peu comme WayForward. Ils ont un suivi de fans. Puis j'ai été surpris d'apprendre que le jeu existait déjà sous une autre forme complètement. Avant, c'était vraiment un jeu en 3D, ouais. Des gros polygones 3D à 360 degrés, un genre de Super Mario Sunshine. Ah, tu sais. Mais c'est ça, quand tu m'as dit ça, moi j'en revenais pas là, parce que là le jeu il est complètement 2D, platformer. C'est complètement autre 8 chose. 8 bits même, on dirait moins de bits que ça. Ouais. C'est l'enfer là. Mais la façon que c'est arrivé, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, la façon que c'est arrivé, c'est qu'au départ ça s'appelait Maximilian and the Fight for the Mutant Mods. OK. Puis l'affaire qui arrivait, c'est que eux autres ils ont essayé de sortir ce jeu-là pour DS au départ. Ouais. Nintendo a refusé, ils n'ont pas réussi à trouver de publisher pour eux autres. Fait qu'il n'y a personne qui voulait le publier, ni Nintendo, ni aucune autre compagnie. Mm. Fait qu'après ça, ils se sont dit « bon, ben on va en faire une version moins grosse, puis on va sortir sur DSiWare ». En 2010, ils essayent la chose, essayent de trouver quelqu'un pour le publier. Personne les back, absolument personne. Là, les fans écrivent sans arrêt « hey, on veut que le jeu existe, nanana ». Finalement, le jeu tombe dans l'oubli. Puis, 2011, ils décident de relancer Nintendo, de retomber sur le planche, puis de faire comme... On change le look du jeu complètement, mais on garde l'essence qui est Max qui arrose des bébites en boîte. Hey, je viens de recevoir un email. Je vais fermer ça. Mais non, mais c'est ça, mais... C'est vraiment un jeu qui est beau. C'est super intéressant de voir comment ils ont amené ça. Mais moi, je m'étais dit, ah, j'espère que c'est pas encore un autre. C'est la mode de ce temps-là, être rétro. Là. Ah, c'est ouais, vraiment ouais. La mode. Ah, malheureusement. Ça fait chier que ça soit la mode. C'est moi, comme... je le trouve plus toujours, en fait. Là. Puis, ça, tu sais, je veux pas que ça soit la mode. Là. Je veux juste que le monde apprécie. T'sais. Ben pas oui. Apprécie parce que c'est la mode, là, en tout cas. Non, mais, c'est ça. Tu sais, si vous achetez des machines rétro parce que c'est la mode, là, revendez-les. Ouais, ben les gens qui achètent des machines rétro, habituellement, ils veulent quand même collectionner aussi comme un petit peu plus, tu sais. Mais non, mais... Mais c'est une mode. Je trouve juste ça plate que ce soit une mode. Ouais, c'est ça. Parce que je sais très bien que certaines personnes ne traient pas tant que ça sur le rétro, tu sais. Effectivement. Mais bon, regarde, nous autres, on a au-dessus de 30 ans, fait que c'est sûr qu'on aime ça le rétro, c'est nos racines. Ouais, c'est ça. Puis là-dedans, ce que je trouve le fun, c'est que la base du jeu est vraiment simple, mais c'est que de maîtriser ce jeu-là, il faut que tu y ailles au pixel près pour tes sauts, faut que tu fasses attention avec t'as un jetpack. Ouais. Puis au départ, tu sais, ton jetpack est quand même assez limité. Oui, ça vole pas longtemps. C'est ça, faut que tu gauges tes sauts. Puis si tu tombes sur une plateforme qui disparaît, qui réapparaît. Ah, ça, j'ai eu de la misère parce qu'au début, faut que tu apprennes à bien planifier comme la fin du jus de ton jetpack pour tomber au bon endroit. Là. Tu finis par savoir le timing parfaitement. C'est ça qui est incroyable. Tu deviens comme un. Ça devient une machine. À la fin, là, moi, j'ai fini ce jeu-là, puis à la fin, là, j'étais une vraie machine, mon gars. À la fin, tu connais le tableau par cœur, tu fais tes affaires, tu fais comme, OK, non, lui, je recule, je fais ça, tu sais, puis ça devient quasiment un mécanisme, puis c'est ça que j'ai trouvé cool du jeu. C'est que le jeu, il m'a ramené à quand j'étais un kid, puis je louais un jeu, puis que le jeu était crissement trop dur pour moi, puis que j'apprenais le tableau, là, parfaitement, là, c'était chirurgical, mon affaire, là, je savais exactement aux endroits où il fallait que je saute, où il fallait que je tire. Puis celui-là, il te force à faire ça. Tu le master un moment donné. Tu le master. T'sais. Mais moi, j'ai trouvé, un moment donné, t'es comme semi-master. Là. Ouais. Mettons, t'es moyen bon, tu sais. Ouais. Puis là, tu rentres dans le range des tableaux vraiment beaucoup plus durs. Là, ouais, ouais. Ah, man, je suis bien pourri. Là. Maudit, je pensais que j'étais pas pire. T'sais. Ouais. Là, tu te décourages un peu, mais tu retournes faire les anciens tableaux parce qu'il y a des passages secrets à faire. Puis il y en a une couple que t'as pas ramassé toutes les scènes, mettons. Fait que tu te repratiques, tu te refais un peu. Puis là, tu retournes te coller au tableau plus dur. Puis là, on dirait que t'as un peu plus de patience, un peu plus de force. C'est ça. Tu sais, puis t'es meilleur. Puis, ah, OK, ben j'ai réussi lui, je vais essayer l'autre. T'sais. Puis petit à petit, comme ça, j'ai telle une truite qui remonte le courant. Tu réussis à te rendre là, au bercail. Ouais. Une truite, ça va. Un saumon, on dit. Ben, un saumon. Un poisson. Chaude. Mais non, mais c'est ça. Mais je trouve ça cool aussi parce que tu as le choix de faire plusieurs tableaux à la fois. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui m'a aidé un peu à pas lâcher le jeu. Il y avait le fait aussi qu'il fallait que je fasse la critique. Ouais, c'est ça, c'est ça que je pense. Il fallait que je le finisse. Mais à un certain point, je t'avoue là, que j'allais décourager complètement. Là, parce que j'avais commencé à jouer au jeu avant qu'on m'annonce que j'allais faire la critique. Fait que, à un certain point, j'étais avec le jeu, puis j'étais vraiment en train de pogner les nerfs, puis je fais comme, non, fuck it, là j'arrête, là je suis vraiment en train de pogner les nerfs. Là, je reçois un email le lendemain, Claude Arson, « Hey Bruno, ça te tente de faire Mewtwo Mods? » Là, j'ai « OK! » Puis là, ben j'ai recommencé, je suis rentré dedans, puis je me rends compte que la première fois que j'avais joué, j'avais rien compris. Ouais. Tu sais, j'y jouais, mais j'y jouais vraiment comme n'importe quel autre jeu, puis une fois que tu as compris qu'il faut vraiment que tu étudies tes affaires, puis tu réapprennes à jouer au platformer comme ça a été prévu au départ, ouais. Là, mon gars, t'as un fun mongol. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'achievement sur la 3DS, mon gars, parce que je les voulais, mes maudits trophées dans ce jeu-là. Mais les tableaux, ça va pas si long que ça, ce qui fait qu'il n'y a pas de checkpoint dans le milieu. Quand tu meurs, tu recommences, tu sais. Ah, c'est cruel. C'est cruel. T'as juste trois cœurs, là. T'as pas grand chance. Tu travailles fort. Tu penses que t'es rendu loin. T'es pas si loin que ça. Oui. T'as tellement travaillé fort. Tu penses que t'en as fait long. Tu meurs. Tu dis, ah non. Là, finalement, tu te rends compte. Tu réessayes. Puis le bout que t'avais fait, tu le fais plus vite. Oui. Parce que, tu sais, t'as compris des choses. Donc, oui. Mais ça se fait bien. Puis chaque tableau, il faut que tu ramasses 100 scènes. Ben, 100 cristal dedans. 100 diamants. 100 diamants. À la fin, il y a un gros diamant aussi qu'il faut que tu ramasses. Puis, il y a une porte cachée dans chacun des tableaux. Donc, tu as trois façons de passer le tableau, dans le fond. Ramasser toutes les petites scènes, finir le tableau normal, puis faire le tableau spécial qui est caché dedans. Oui. Donc, tu sais, ça te permet de refaire les tableaux. Puis, tu as des power-ups que tu peux avoir. Un jetpack qui dure plus longtemps. Oui. Tu as un gun, un fusil à eau que tu te sers pour tuer les monstres en boîte. Puis, tu peux l'avoir plus performant. T'as le gun plus performant. Et parce que ton pea-shooter au début, là, tabarnouche qui tire pas loin. Ouais, ça m'a fait mourir tellement souvent. Ah, c'est clair. Ah. T'as un jetpack qui va à verticale aussi. Oui. Qui est tout à fait agréable, mais tu l'as vraiment plus vers la fin, ça. Mais il est trop tard, je trouve. Un petit peu trop tard. Parce qu'il donne beaucoup de plaisir. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça plate. Je me disais comme, ah, crime. Tu sais, si j'avais eu ça auparavant, c'est pas juste de dire que ça aurait été plus facile, mais je pense que je l'aurais trouvé un peu plus fun. Ouais. Parce qu'il est vraiment le fun, ce jetpack-là. Puis là, tu l'as pas pendant... Ben, je pense que 90% du jeu, quasiment. C'est long. Quand même très long, là, avant de l'avoir. Quand tu l'as, il te reste genre les 4 tableaux de l'espace à faire, puis t'es proche de la fin. Tu peux pas avoir deux power-ups en même temps. Moi, c'est ça que j'ai trouvé plate. Je pensais qu'à la fin, j'allais être bionique, tu sais. Mais on peut pas les avoir en même temps. C'est triste. Là, je vais faire un spoiler. Attention. Quand tu finis le jeu, tu peux le refaire avec ta grand... jouer avec la grand-mère, le personnage de la grand-mère. Puis elle les a toutes équipées en même temps, tout le temps. Fait que là, même si tu viens de finir le jeu puis t'as eu bien du fun, on dirait que t'as envie de torcher les premiers tableaux. Là, de dire, hey, en plus que je le faisais quand j'avais rien, à cette heure, j'ai la grand-mère, full équipe, laisse-moi te dire, je vais te finir ça en deux secondes. T'sais, fait que t'as le goût de le refaire encore. Ah oui. C'est cool quand même d'avoir fait ça de même. T'sais, c'est la grand-mère qui kick des culs. Ah ouais, l'autre, il est comme 9 ans, puis pourtant, t'sais, il est super poche. Non, c'était un excellent petit jeu de 3DS. Ouais, là, vraiment. Moi, je trouve. À part le prix, j'ai trouvé un petit peu cher. Il est 12$, je pense. C'est ça, 8,99$. Ouais. Bon. Ben, écoute, c'est assez complet. Là. C'est assez complet, expérience. Mais c'est cher pour ce que c'est. Ouais. Je trouve que c'est difficile de demander ça aux joueurs qui n'ont aucune idée c'est quoi. Puis surtout quand tu regardes le look du jeu, tu te dis. Ouais, un peu simple, tu sais. Mais c'est drôle, pareil, que le look, tu sais, vu, le monde se dit, bon, c'est un look rétro, c'est pas compliqué, faire du graphisme de même, ça devrait coûter moins cher, tu sais. Ça n'a pas de sens, tu sais. Non, c'est sûr. C'est pas si simple, j'en fais pas des jeux, mais malgré un jeu qui a de l'air simple de même, c'est sûr que c'est plus facile à faire que Battlefield 3, on s'entend, là. Mais ça a le mérite d'être bon puis bien fait, puis ça se paye aussi. C'est là, ça. T'sais. Donc, mais moi, j'ai juste trouvé, pendant ma critique, une chose que je reprochais beaucoup, c'est, ben, premièrement, je me souviens même plus si je l'ai dit dans ma critique, mais justement, le fait que les power-ups, à mon avis, arrivent un peu trop tard dans le jeu. Ouais. J'ai trouvé que la courbe d'apprentissage, c'est violent. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut jouer à ça. Faut vraiment que tu sois... Tu sais, il faut que tu t'acharnes, là, vraiment, là, pour apprécier ce jeu-là. Puis, il y a le fait qu'il n'y a pas de boss. Moi, j'aurais vraiment ça, toi, des vu boss, des boss là-dedans. C'est vrai que ça l'aurait fait. Ça un boss de cœur, fin, à tout le moins, parce que, spoiler numéro 2, il n'y a pas de boss à la fin. Non, là, c'est ça, ça finit raide comme... Tu sais, c'est un peu décevant, fait que... Ouais, c'est clair. Il y a juste ça, j'aurais aimé ça, tu sais. Mais bon, c'était bien le fun pareil. Ah, c'est un méchant bon jeu, là. Moi, je dis, t'as une 3DS, il faut absolument que t'aies ça dans ta 3DS, là, puis... Il est quand même, tu sais, si on compare à un autre jeu, là, justement, qui est difficile, Je l'ai trouvé plus agréable que Ah oh, ouais, mais c'est pas, on parle pas du tout de la même sorte de non, jeu. Non, on parle pas de la même sorte de jeu, mais quand on regarde les deux, on peut quand même faire des comparaisons, tu sais, à ouais. cause justement de la précision que tu as besoin d'avoir dans ce jeu-là, tu sais. Ah, VVV demande plus de précision. Ah, il demande énormément ça, là, c'est de précision. Malade, là, c'est... Moi, j'ai en passant, ouais, je fais un aveu, j'ai t'aimes complètement lâché VVV. C'est correct, Bruno, je te pardonne parce que je pense que tu n'es pas le seul. Ah, man, mais j'ai fini par le détester. Pourquoi personne n'en parle de ce jeu-là? C'est fou, ça, dans toutes les... Juste trop dur. C'est pas si dur que ça. Hey, faut man, juste il est trop dur, puis les cartes sont mal faites. T'es pas tu patient. Pas si tu t'en vas. T'es pas patient. Tu le sais, mais tu t'en vas. La carte est méga grosse, mais tu unlocks des. Tu sais, tu le vois, là. Tu fais du. Hey, la shot que tu descends pendant super longtemps, là, puis qu'il y a des pics que tu sais pas sont où, puis que ça ben, te fait chier parce que ça te rappelle mourir, ça te fait fucking Megaman quand tu descendais, puis que c'était pas faisable de voir ce qui s'en venait à cause de tableau de Quickman. L'écran reprenait, tu sais. Asti, que ça me fait ben, chier, j'avoue. Avec Quickman, ça t'a pris du temps le passé. Oui, pis ça, j'étais ça vraiment te faisait fâché, chier, mais à ce temps, tu le fais facile, les yeux fermés, tu sais. Mais ça, c'est comme ça, VV, là. Ah. T'sais, faut que t'apprennes, là. Moi, avec, je suis mort, genre, 30 fois dans ce trou-là, là. T'sais, mais VV, les sprites sont tellement petits, tu sais. Ton bonhomme est tellement petit dans l'écran que je sais pas, c'est plus difficile. Parce que Megaman, là, bouger de 4 pixels, là. Ouais. C'est pas la même signification que VVV, bouger de 4 pixels. Ouais, là-dedans, le pic là, sur lequel tu t'écrases est à peu près gros comme toi. Là. Fuck, man. Et c'est pas lui qui est gros, c'est toi qui es petit. Hein. Le sprite tu pèses est petit, un petit peu et t'avances de 1 pixel. Ouais, ouais. C'est vraiment le bonhomme, là, il doit faire là, 3 ou 4 pixels de large. Là, il en fait vraiment pas long. Puis... Ouais. Ah, j'ai tellement frustré à ce jeu-là. Là. Ah, écoute, raison de moi. Oui, je te le dis tout de suite, là, il va probablement être dans mon top 10 de l'année. Là. c'est vraiment. Moi, j'ai décidé de troquer pour autre chose. Ouais. Il est encore là, je vois tout le temps la petite cassette là, qui s'ouvre dans ma 3DS. De Commodore qui ouvre, hein. J'ai dit, ah, je devrais rejouer. Ah, fuck that. Ben, moi, te dire, là, moi, là, je joue à ça 100 000 fois plus que Resident Evil. J'ai essayé une démo. J'ai joué à l'événement Nintendo, Resident Evil, puis blablabla, puis Resident Evil, c'est donc bien cool. Non, c'est pas cool, je m'excuse, j'aime pas ça, c'ti. Je trouve ça plate, man. Ça, ah, t'as pas joué avec le deuxième joystick? Tu tournes autour d'un lit, man, avec ton gun, puis là, tu cherches sur l'armoire, man, c'est quoi, faut-tu faire? Voyons, là. Calvaire, man, t'as vraiment juste fait les 10 premières secondes du démo? Ouais, genre, puis comme j'ai pogné le jeu où ce qui était rendu, là-bas, ben, à l'événement, tu sais. Il y a des j'ai pas tué personne, là, ça. Parce que je faisais rien que virer autour des boîtes, puis me perdre dans des corridors de marde. Calvaire. Là, je t'agace, t'as juste pogné le tournevis dans le fond du bain, puis tu t'es dit, Chris, c'est de la merde, ça. J'ai rien fait, man. J'ai pas voulu en faire plus. Fait que c'est de la merde. C'est ça, tu sais, fait que c'est de la merde. Je le connais pas, fait que c'est de la merde. Toi, je te connais pas, t'es de la merde. Ouais, c'est le même que je marche. Non, pas, si, du tout, pas du tout. Non, mais regarde, OK, Resident Evil, OK? Attends, là, mettons ce jeu-là, là, OK, enlève les sprites, là, enlève tout, là, puis appelle-le, mettons, un autre nom, là, tu sais, Horror, ben Horror Barnabé Manoir. Ben les démons de l'enfer. Les démons de l'enfer. Mettons, okay. Tu download les démons de l'enfer, là, ça te coûte 10$. Non, c'est au magasin, non, ça. Mettons, t'achètes 10$, les démons de l'enfer. 39$. 40$ au magasin, tu sais, ce jeu-là, tu sais, c'est moins hot, les démons de l'enfer, que Resident Evil. Là. Ce jeu-là, il gagne parce que c'est son nom là, qui est dessus. Là. Ben, pas nécessairement. Les contrôles sont fiables. Mm-hmm. Moi, j'ai joué avec le deuxième joystick. En passant, deuxième joystick qui, si on en parle rapidement, parce que là, ça vient sur le sujet. Puis, de toute façon, le monde, il s'en fout si l'épisode dure 4 heures aujourd'hui. Ouais. Mais le deuxième joystick fonctionne super bien, sauf que la machine devient énorme. Oui, c'est gros, ça devient un Game Gear, man. Ah ouais, mais ça, mon gars, j'ai l'impression d'avoir un Big Mac dans les mains, c'est vraiment énorme. Mais les Big Mac, tu sais, qui rapetissent d'année en année, extra aussi, oui. Il y en a plus, mais au début, il y avait un anneau de carton pour les tenir tellement ils étaient gros. Hey, c'est vrai, t'en rappelles-tu? Puis à un moment donné, fuck les anneaux, ils sont rendus tellement petits que ça loge tout seul. Ouais, puis toute ta salade d'ombre à côté. Ouais. C'est quoi l'idée? Bon, mais anyway... Mais, ça devient gros, là. Ça devient vraiment gros, puis ça devient gros. Ça demande une batterie, ça demande du jus. Ah, puis ouais. En plus de ça, ça cache l'accès au stylet. Ouais. Ce qui est un peu un move bizarre, quand même. Puis, parce que tu es tout obligé de l'enlever si tu veux l'amener à quelque part. C'est ça déportabilise la console, je trouve. Complètement. Elle est vraiment, vraiment grosse, là, avec ça. Là. Ça n'a pas de sens. Fait que moi, par contre, pour ce qui est de jouer avec... c'est trippant, tu sais. Ouais. Parce que là, t'as deux joysticks, ça fonctionne super bien, mm-hmm. puis les gâchettes, de la manière qu'ils sont placées, ça va bien. J'ai essayé Metal Gear, ça allait bien. Ah, OK. Bon, ben regarde, Metal Gear. Mais moi, c'est ça, j'ai essayé Resident Evil, j'ai essayé le jeu complet, puis c'est trippant. Mm-hmm. Il est bon, le jeu. Ouais, il est bon. Il est bon. Ouais. Il est bon, mais tu sais... J'ai pensé jouer, tu sais. Non, mais ouais, c'est mais écoute, je hate trop Resident Evil à la base, tu sais, parce que ça m'intéresse pas du tout, là. Ah, mais c'est des bons jeux, Resident Evil. Mais écoute... Moi, je suis là pour te dire que c'est des bons jeux, Resident Evil. Ouais, ça a changé, bon, puis depuis le... Moi, ça m'a jamais intéressé, Resident Evil. Depuis le quatrième, c'est pas pour faire, pour c'est dire où, comme tout le monde, ça, mais le quatrième, c'est vrai que c'était meilleur. Le quatrième est sorti pour commencer sur GameCube. OK. Il y a eu un port sur le PlayStation 2, puis il y a eu un port sur la Wii. Ah, OK, OK. Puis c'était un excellent jeu. Puis depuis ce temps-là, Resident Evil, il n'y en a pas eu beaucoup, tu sais, Resident Evil 5. Mais, tu sais, je trouve que la formule a changé, puis ça fonctionne super bien. C'est plus action maintenant, puis j'espère que ça va aller encore plus action avec le temps. Puis, avec la 3DS, ça fonctionne bien parce que l'effet 3D aide beaucoup, ben franchement. Ouais. C'est vraiment cool comme effet 3D. Il est 3... beau. Ouais, l'effet 3D est super beau. Puis, en plus de ça, l'ambiance sonore dans ce jeu-là est impeccable. C'est vraiment, là, j'ai... Il a fallu que je change mes draps une couple de fois. Hey boy, hey boy, hey boy, hey boy. Ouais, ben moi, il n'y avait pas de draps parce qu'il n'y avait pas de son à l'événement Nintendo. Bah, toi, t'avais tellement fret, Annie. Oui, j'avais tellement fret, ma piste n'aurait pas pu, ma dèche. Ça aurait gelé. C'était tout gelé dans mes testicules. Colin, voilà. Un Big Mac dans les mains, de la piste gelée dans les culottes. Yes, sir. On est de retour pour dire des enneries de même. Non, mais c'est ça. Bref, Resident Evil, bon jeu. Ouais. Mais, par exemple, j'ai pas joué assez longtemps pour donner... L'achèterais-tu au magasin? Oui, oh, oui, ah, totalement. Ouais, ouais. C'est vraiment un des meilleurs jeux de 3DS. Ça, c'est sûr que je peux dire ça. Puis c'est un jeu de qualité. Là. C'est un super bon Resident Evil, mais c'est un super bon jeu, point. Ouais, c'est un bon jeu. C'est un jeu qui est fait pour la 3DS, à mon avis. Ça fonctionne vraiment bien avec la 3DS. Puis... C'est juste fiable. C'est beau, c'est bon, ça sonne bien. Magnifique. Oh. Mais avec le deuxième joystick. Ben franchement, j'ai joué avec puis sans. Puis maintenant que j'ai joué avec le deuxième joystick, je pense que je serais pas capable de jouer autrement. Mais à Metal Gear, quand t'as pas le deuxième joystick de plugger, oui. C'est tes quatre boutons qui servent de croix, là, finalement. Ah, là, ça, c'est... C'est weird un peu comme weird. Feeling. Mais ça se fait. T'sais, ça se fait de cette façon-là. De comme, mais j'avais joué à des first-person shooters avec ça sur la DS puis sur la PSP. OK. Et fuck, mon gars, ça va vraiment mal, là. Parce que c'est... T'sais, t'as besoin tuer, d'une là. Certaine précision quand même avec le deuxième joystick. C'est avec ça que tu bouges ta mire. Puis ça marche pas quand t'as tes boutons de même. Je veux dire, tu peux pas décider d'aller à 57 degrés, admettons. Non, tu vas à un coup de bouton. C'est ça, c'est comme c'est 45, 90, 0, 180. That's it, là. Tu n'as pas le choix. Fait que, bref. Mm. Mais c'est un bon jeu. Ah, écoute, je vais y redonner sa chance, là. C'est clair qu'il y a trop de hate, là. Mais, c'est à cause que tu le connais pas. Tu m'as craqué, là, avec VVV et toi, là. C'est ça, là. Pourquoi tu parles contre VVV, hein? Bon, ben, tant qu'à être en tabarnak, je vais enchaîner avec un autre jeu de DS. Ouais. Ben, pas si, en tout cas. Ça s'appelle Little Red Riding Hood's Zombie Barbecue. Yes. Toi, t'avais-tu joué à ça? Oui, j'avais joué à ça, puis c'était vraiment... C'est un jeu qui est comme sorti nulle part, mais c'est devenu un succès culte. C'est un succès culte, oui. Ça me surprend. Moi, quand j'ai joué, j'ai dit que c'était bon, mais je veux dire, c'était pas... C'est pas malade. C'est pas incroyable. Moi, je pensais que c'était genre le hidden gem, tu sais, vraiment hot, là. Ouais. Puis c'est correct. Mais Tiny Cartridge en parle vraiment comme un des meilleurs jeux de DS. Ah ouais? Ben, regarde, ici, j'ai des notes, là... J'ai vu qu'au lancement de ce jeu-là, il y a eu un concours avec Destructoid, un concours de cosplay, là, genre. Puis imagine, tu sais, parce que le petit chaperon rouge là-dedans, c'est passé de ça qu'on parle, là. Oui. Elle a des très gros seins, là, puis elle est bien sexy. Fait qu'imagine les résultats du concours, ça devait être assez épouvantable, là. Mais c'est ça la gamique. Donc, ça se passe dans l'univers des contes de fées. Oui. Puis Pinocchio, le petit chaperon rouge, Père Noël, tout y passe, là. C'est l'envers. Il y a Evil, le Père Noël là-dedans. Hein? Le Père Noël, il est vraiment evil là-dedans. Oh, tout est malamment evil, tu sais. Puis c'est du zombie, il faut que tu tues du zombie, là, finalement. Oui. Fait que c'est un jeu de shooting sur rail. C'est comme Commando, mais qui avance tout seul. Oui. Tu sais, dans le fond. Puis ça. Je dois dire que la première fois que j'ai joué dans ma 3DS à ça. OK. Puis là, pour te promener de gauche à droite, tu peux soit cliquer à gauche ou à droite de ton personnage ou avec le joystick, le D-pad, tu le fais bouger, tu sais. Mais ça allait pas vite, tu sais. Fait qu'il fallait tout le temps... J'aime mieux le faire avec le D-pad, mais des fois, j'y allais avec le stylet. Puis là, je me faisais tuer, puis tout. Puis bon. Là, vu qu'il fallait que je joue à quelque chose d'autre avec ma 3DS, je l'ai mis dans ma DS à la place. Puis là, ça a fait toute la différence. Parce que le graphisme est devenu beaucoup plus clair. Puis le personnage bougeait beaucoup plus fluidement, si je peux dire. C'était plus facile de le déplacer avec le D-pad. Ça... Mon Dieu, tu sais, encore une fois... Fuck, man, pourquoi est-ce que la 3DS fait ça? T'sais, c'est normalement pas cool. Fait que ça, là, ça allait mieux déjà. Ouais. Puis, tu fais juste tirer dans le fond. Là. Tu pointes avec ton stylet dans des directions, il y a des zombies qui te foncent dessus, puis t'as des obstacles, là, des têtes de mort qui te lancent des billes, là, puis des bébites qui te lancent des affaires au loin. T'sais. Ouais. Fait que ton gun, toi, t'es toujours en bas. Tu peux jamais avancer ou reculer. Ton personnage est toujours au même niveau. Il se tasse de gauche à droite, puis ça l'avance tout seul. Ouais. Puis tes balles, ils se rendent là, jusqu'à la fin du deuxième écran, en haut. Mais tous les tableaux sont construits pareil. Là, t'as plusieurs mondes. Le premier monde, mettons, Ansel et Gretel, tu marches dans une forêt de bonbons. Là, c'est le premier monde. Tu marches dans la forêt, c'est facile. T'es dans le premier monde, premier tableau, tu marches dans la forêt, c'est facile. Deuxième tableau, tu marches dans la forêt un petit peu plus dur. Puis troisième, là, t'as Gretel, il faut que tu tues à la fin, tu sais. Puis après ça, ben, t'es dans l'autre tableau du Père Noël. Là. C'est la même affaire. Tu marches dans la forêt des neiges. As-tu trouvé que les tableaux, ça ressemblait? C'est tout pareil. Je trouvais que c'était comme une espèce de grosse rue vide. C'est toutes des grosses rues vides. Avec des petits cossins sur le bord. Ils changent un peu le design sur le côté. Ouais. Au lieu de mettre des cannes en bonbons, ils mettent une forêt, tu sais. Ouais. C'est tout le temps les mêmes personnages avec d'autres faces dessus. Tout le temps les mêmes tableaux. Tout le temps, c'est tout le temps pareil. Mm-hmm. Chaque monde est pareil. Il y a juste le boss qui change un peu. Des fois, t'as des boss qui sont un peu plus gros, tu sais. Pinocchio, tu le shoot à des places, tu sais. Mais ça, il y a rien d'intéressant là-dedans, je trouve. Mais ça aurait pu être un jeu en téléchargement. J'ai l'impression qu'il aurait peut-être mieux passé. Peut-être. Mais c'est pas, c'est très simple. Le hype est juste trop gros autour du jeu. Ce que c'est. Là. Le hype il est gros parce que le monde se dit c'est donc bien drôle, le petit chaperon rouge sexy qui tue des zombies, zombie barbecue, c'est malade. Oui. Une belle gamique, c'est drôle, c'est cool, le titre est cool, le personnage est sexy, c'est bien correct, tu sais. Mais le jeu est bien moyen. Le graphisme, là, il était... Écoute, IGN a coté ça 8.6 sur 10. Ils l'ont mis numéro 6 sur 25 dans leur jeu de DS les plus hot en bas de 20$. Puis il était nominé pour le Best Shooting Game en 2008. Là. IGN a été bandé sur ce jeu-là. Là. OK. Mais GameSpot, eux autres, l'ont planté à 5.5. Disant que les contrôles sont moyens et ils ont bien raison. Parce que des fois, il faut que tu payes sur ton personnage pour qu'elle se penche. Parce que tu as des affaires qui te roulent dessus. Le penchage du personnage, c'est tellement pas précis, ça, comme commande. Là. Ça va tellement pas bien. Là. Maudit penchage. Sans joke, là, c'est niaiseux. Puis non, les contrôles, là, c'est pas ce qu'il y a de plus hot. Il y a des slowdowns. Tu as des cheap hits qui ont dit. Ouais. Les cheap hits. Il y en a à plein, là. Okay. Je veux dire, t'es pogné, mon gars, tout le temps, des places. Tu peux pas te faire toucher, là, tu sais. Mm-hmm. Des fois, c'est juste too much, là. C'est quelle compagnie qui a développé ça? C'est Destineer. Ah. Mais je connais pas ça. Puis ça a été Destineer, puis Joy Up. Puis en tout cas, des compagnies qu'on n'est pas habitué d'entendre, et puis qui viennent d'ailleurs aussi. Ouais, c'est ça. J'ai pas la page wiki à côté de moi, là. Le pire, c'est que j'ai regardé tantôt, là, puis vu que ça me disait absolument rien, j'ai dit « fuck off, je parlerai pas de ça ». Ça serait genre propriétaire de Kikko, là. Tu sais juste pas c'est quoi. Probablement. Non, je sais pas. Pour des autres affaires, c'est pas intéressant. Non, je suis très déçu du hype qu'il y a eu. Ben, c'est pas plate, tu sais, mais c'est pas trippant. Puis je me forçais pour jouer, tu sais, pour essayer de me rendre loin, là, pour en parler. Puis je pense que je suis rendu au dernier monde, là, Tokyo. Okay. Le deuxième tableau du dernier monde, puis le boss à la fin, je sais pas ce que ça va être, là. Mais là, c'est impossible, là. Mm. Oublie ce tableau-là. Oui. Puis il y en a des tableaux que j'ai recommencé, genre 10 fois, là. J'ai été courageux, là, puis j'ai travaillé fort, tu sais. Oui. Puis là, j'ai plein mon casque, man. Puis je suis rendu à la fin, là, puis je veux plus jouer à ça. Je suis tanné, man. Fuck this game. C'est dans quoi, donc, ça dit ça? Fuck this game! C'est dans... Dans un film, là. Je sais pas c'est dans quoi. En tout cas, je vais dire ça maintenant à Retro Nouveau. Pitcher ta cassette. Fuck this game. Yeah. C'est serré, man. Maudite cochonnerie. Je suis content de l'avoir parce que c'est justement un succès culte. Tu sais, ça fait beau dans ma bibliothèque. Là, ouais. Mais ça m'a déçu. Je me très déçu. Parce que moi, c'est ça, c'est entre autres un blog que je respecte énormément, c'est Tiny Cartridge. Oui, moi aussi. Qui, lui, dans le fond, voue un culte incroyable aux jeux de Nintendo. C'est pas mal tout le temps ça, des jeux de portable de Nintendo. Puis ça, là-dessus, on dirait vraiment que c'est son meilleur jeu de tous les temps. Là. Ah ouais? Il y a vraiment, reparlé cette année de ce jeu-là avec du fan art puis des trucs comme ça. Ouais, le fan art peut être bien big là, pour ça. Je pense que oui, mais... Mais en même temps, c'est parce que quand il y a du fan art, quelque chose... aussi, avoue que ça vaut pas tant le praise que ça. Non, moi, j'ai joué puis je comprends pas. Moi non plus. Je comprends juste pas. C'est juste que quand tu regardes sur Internet, tu dis, tu tapes ce jeu-là, ouais. T'as des hits, mon gars, t'as plein d'affaires, t'as des forums, il y a plein de monde qui ont capoté ce jeu-là. Puis moi, je comprends pas pourquoi ils ont capoté autant. Là. Non, moi non plus. J'ai plein d'autres jeux que j'aimerais jouer avant de jouer à ça. J'ai trouvé ça cheap au bout, là. Le graphisme. Fuck this game. Hey, moi, je vais vous parler de la PS Vita à un moment donné, mais je vais vous parler d'un autre jeu avant ça. Ben oui, on va parler en masse tantôt. Caroline, ouais, c'est ça, on va en parler en masse tantôt. Moi, j'ai joué à plusieurs jeux pour Monsieur Net récemment. Entre autres, j'ai joué à Scary Girl. Ah, ça, j'haïs ça en tabarnak. Toujours. J'ai joué à Scary Girl sur Xbox. C'est bon, ça avait l'air pompé. Ouais, j'avais des hautes attentes, puis finalement, elles ont été détruites. Détruites, les attentes. Ah, mais c'est parce que c'est vraiment... C'est un super beau jeu. C'est un artiste dont je me souviens plus le nom. Il s'appelle Nathan quelque chose. Je me souviens plus de son nom de famille. Orton. des jokes de hockey que tu peux pas comprendre. Non, c'est ça, je comprends rien. Je connais rien au hockey. Non, c'est ça. Ça a été fait à partir du travail de ce gars-là. Okay. Puis, c'est un designer de jouets urbains, puis ça, des jouets en vinyle, puis de la peinture, puis tout. Puis il a designé son jeu par rapport, entre autres, au livre qui a été fait de Scary Girl. Ce qui arrive avec ça, c'est que l'animation, le graphisme, tout ça, c'est tellement beau que ça prend le dessus sur le jeu. Ah ouais. C'est un jeu de plateforme qui est très jouable, qui est quand même le fun, sauf que des fois, tu as de la misère à différencier les ennemis du background. Ah ouais. Puis quand tu frappes un ennemi, tes bras sont comme... Tu sais, tu as un bras qui a un crochet au bout, t'en as un autre qui a un os. Fait que là, tu te frappes avec ton bras qui a un crochet, puis ton bras, il est comme tout mou. Fait que okay. Là, quand tu frappes, tu sais pas quand est-ce que tu vas toucher à l'ennemi parce que l'animation est tellement weird. Fait que t'as pas genre un feeling de contact, de punch. T'as pas comme une masse au bout du bras qui te donne l'impression que c'est ça qui frappe. Non, c'est ça. C'est juste comme, tu sais, tu frappes dans le vide, puis si tu pognes le bonhomme, tant mieux. Puis tu peux aussi l'agripper avec ton crochet, mais tu sais jamais c'est quoi la distance exacte que tu devrais avoir pour l'agripper parce que c'est pas... Et tu sais, il détecte pas que l'ennemi est proche puis il l'attrape là. Tu sais, c'est vraiment bizarre comment c'est fait. Par contre, ce jeu-là, les boss sont écœurants. C'est quand même un jeu d'une bonne longueur qui est agréable. Puis les tableaux sont variés. Mais c'est ça, c'est juste le gameplay comme tel. Des fois, il y a certaines affaires qui fonctionnent moins bien à cause de l'animation. Puis c'est dommage, mais bon. C'est malheureux, mais c'est quand même un bon jeu. Moi, j'attendrais qu'il soit en spécial, mais franchement, il est disponible sur XBLE et sur PlayStation Network. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est quand même un bon jeu. Mais parlant de jeu, où il y a de l'animation et que ça torche, j'ai joué à Shank 2, oui. Que j'ai critiqué à soir à Monsieur Net. Oui. J'y ai donné un 8. C'est vraiment une bombe. C'est un méchant bon jeu, là. Ouais. Ça, mon gars, c'est solide. Ben, c'est parce que j'avais critiqué le premier, puis dans le premier... J'ai joué au premier, moi, dans le temps, là, à Tremblant, puis c'était malade. Mais le deuxième, ça avait l'air la même affaire. Ça a l'air de la même affaire, mais dans le premier, les contrôles, c'était pas parfait, tu sais. T'avais l'impression de te battre contre tes contrôles à certains moments, justement à cause que t'arrivais pas à faire des combos très facilement. C'était pas assez fluide, c'était quand même assez saccadé. Puis le design des niveaux était quand même assez moyen. Mais l'histoire était écœurante, le combat était quand même très cool. Ouais, ouais. Puis là, dans le deuxième, l'histoire est pourrie. Mets tout en sac. Ouais. Parce que le combat là-dedans, mon gars, tu te sentiras jamais aussi puissant que ça. Ah ouais? Je pense que la seule fois où je me suis senti plus. Ben, il y a avec Vanquish puis God of War là, que je me suis senti là, comme un dieu. Là. Ouais. Mais. Et dans ton lit, bien sûr. Et la, dans mon la lit. La création de tes deux enfants. Exact. Puis c'est ça. Puis dans Shank, c'est juste que les combos sont super faciles à faire, à maîtriser. Tu te sens super bon. Puis en plus, tu peux choisir tes armes avant de commencer ton tableau, chose que tu ne pouvais pas faire dans le premier. Ouais. Dans le premier, il n'y avait pas de sélection d'armes. Dans le premier, vraiment. Tu ne sélectionnais pas tes armes. Tu avançais, puis là, un moment donné, whoop, maintenant, c'est un shotgun que tu as. Ouais. C'est plus une machette. T'sais. Puis là, tu pouvais changer on the go, genre quand tu frappais un ennemi, prendre son arme. Ouais, c'est ça. Mais là, tu peux prendre toutes les armes des ennemis. Puis en plus de ça, tu peux sélectionner tes armes au début. Fait que tu as comme ton arme de choix solide. Fait que genre, mettons, un katana, une chainsaw ou une machette. T'as des armes avec projectiles, fait que lancer des couteaux, tu peux avoir un 12 coupé, tu peux avoir un Uzi, puis des armes lourdes où tu peux avoir une tu peux avoir voyons, Colin, tu peux avoir une massue, ah ouais, qui est quand même assez puissante, ça tu peux l'avoir à la fin, puis des armes que tu peux placer, il y a des mines à proximité, il y a des grenades, il y a des cocktails Molotov. Puis c'est vraiment trippant de pouvoir choisir ça parce que dépendant des genres de boss que t'as, tu sais que certaines armes vont mieux fonctionner. Fait que ouais, t'as quand même un certain côté stratégique à ton affaire. Fait que ça, c'est le fun. Le jeu est pas assez long, encore une fois, mais je comprends pour toute cette charge de travail-là parce que c'est tout fait à la main. C'est toute l'animation traditionnelle. Ouais, c'est ça qui est beau dans Shank. C'est écœurant, mon gars. Mais même si c'est pas long, c'est un jeu qui est le fun à refaire, ça. Là, c'est là, ça. Parce que c'est tellement de tueries. Tu sais, t'as du plaisir à tuer les gens. Oh oui, ça, il se fait tellement bien, ce jeu-là. Là. Puis ouais. Ça dure à peu près 3 heures, okay, maximum. Ah, c'est bon, ça. Mais ben, c'est bon pour moi. Là. Ouais, pour ben, ces temps-ci. Là. C'est un, mais c'est un bon... Tu sais, tantôt, j'ai dit, c'est pour ton. Quand tu as besoin d'un bon fixe de brutalité, ouais, tu sais, c'est quand ça te rentre dedans d'une shot, là, puis tu le fais, puis paf, t'es content, là, t'es ouais, fier. Ouais. Mais une affaire que j'ai trouvé plate, c'est que dans le premier, il y avait un mode co-op. Tu pouvais faire la campagne à deux. Oui, là, tu peux différent. Pas faire ça dans le deuxième. Non. Non. C'est poche. Tu peux pas jouer à deux en même temps. Tu peux pas jouer à deux. La seule, oh, la seule façon de jouer à deux, c'est un mode. Ils appellent ça le survival mode. Puis, tu as des vagues et des vagues d'ennemis qui arrivent. Il faut que tu désamorces des bombes. T'sais, c'est bien, mais c'est comme... Ah, mais là, c'est rien là, comparé c'est à enlever terrible. Le fait de jouer à deux en même temps. Chose qu'on avait faite avec tant de bonheur. Ah ouais, ça avait été vraiment le fun. Puis là, ben tu peux plus faire ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça dommage parce que... Bref, la campagne, le combat, malade. C'est vraiment meilleur que le premier. Mais okay, pour ce qui est de jouer à deux, c'est plate qu'il n'ait pas ajouté ça. Puis... S'il l'ajoute, là, écoute, moi, je vais acheter le DLC là, s'il sort demain matin tout de suite parce que c'est vraiment ça qui manque. Il manque un mode à deux solide pour faire la campagne. Et là, overall, là, est-ce que ça vaut la peine d'acheter les deux ou t'es mieux d'acheter juste le deuxième? Ah, moi, j'achèterais juste le deuxième. Ouais. Ben, franchement, là, okay, parce que le premier, oui, il y a un mode à deux, mais malgré ça, ouais, il faut que tu sois deux. Puis les contrôles sont moins bons, ouais, les tableaux sont moins intéressants, les boss sont moins le fun, en tout et partout. T'sais, Clay Entertainment, ce qui est le fun, c'est que c'est un développeur qui a écouté les fans. Tout okay, ce que les fans ont dit qu'ils ont pas aimé sur Shank 1, ils ont tout réglé. Ils ont okay, vraiment tout réglé. Là. C'est juste que... Il y a personne qui a dit « Moi, j'aime ça, la campagne à deux. » Ouais. T'sais, mmh. Fait que là, ils ont pas ajouté ça. Ils se sont dit « Ben, à la place de lui donner la même affaire, on va aller mettre un peu de changement vu que la campagne est sensiblement la même chose, puis on va mettre le survival mode, mais t'accroche pas tant que ça. C'est comme pas assez pour moi. » Le 3, imagine le 3, man. Il va être le summum des deux. Ils vont dire « Hey, vous avez oublié ça. Ah, OK, ben, ouais, on va le remettre dedans, puis là, ça va être fou. » Ben, moi, ce que j'espère, là, c'est que Shank 3, ça sera pas un téléchargement. Ça va être un jeu complet fait ouais, pareil comme Rayman Origins, tu sais. Ouais. Rayman Origins, c'est un jeu en animation traditionnelle, mais c'est mm-hmm, aussi long qu'un Mario Bros. Là. Ouais, c'est ça. Fait que s'ils peuvent faire la même affaire avec Shank, mon gars, je pense que ça serait écœurant, tu sais. Prenez-le le temps, tu sais. Puis Ça regarde bien, dans le fond, parce que Shank 1 a eu des bonnes critiques, puis Shank 2 a des critiques du tonnerre, là, tu sais. Moi, j'ai donné un 8, mais il y a du monde qui ont donné des si notes toi, parfaites. Toi, tu as donné un 8. Moi, j'ai donné un 8, fait que c'est sûr qu'ils vont faire un 3. Ils vont faire un autre. Mais c'est ça, mais il y a du monde qui ont donné un 10, tu sais, il y a du monde qui ont donné des notes parfaites. Ouais. Fait que quand même, tu sais, c'est pas rien. Ah là, non, c'est clair. Je doute qu'il ait joué au jeu complet, mais quand même, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Ben écoute, c'est ça. J'ai downloadé le démo, on va l'essayer direct en fin de semaine, samedi, vendredi soir, quand ma blonde va être endormie sur le divan. Ouais, mais ouais, c'est ça, baisse le son parce que le son aussi là-dedans. Elle n'entend rien. Elle joue en 26 dans le tapis à côté d'elle, puis elle entend rien. Non, ça... Ah non, ça ne fait rien. C'est une roche. Colin! Tabarouette, ouais, t'es chanceux. Parce que moi, c'est pas avec mes deux enfants en haut, je me sens mal, tu sais que... Tu sais, eux autres sont en train de dormir paisiblement. Puis là, en arrière, t'entends quand... Tu sais, je me dis, bon, c'est peut-être un petit peu too much. Toi, tu vas parler de quoi? Ben, vu qu'on vient de le mentionner, moi, je vais parler de Vanquish parce que je l'ai terminé hier. Oh! J'ai eu le temps de le finir. Ah, ben ouais. Puis ça m'a pris 9 heures. OK. C'est-tu long? Moi, je suis pas habitué de faire des jeux. Ben, sais-tu, ça t'a pris plus de temps que moi, mais... Ouais, ben, j'étais pas bon, là, au début, là. Je suis sûr que si je le pars à soir du début, on va le faire plus rapidement, parce que ça m'a quand même pris un bout avant d'être capable de bien jouer comme il faut, là. Non, c'est ça. Mais c'est parce que généralement, les gens disent entre 7 et 8 heures. OK. Fait que... C'est pas gênant, ça. Non, mais je me suis rendu compte, il y a une twist dans ce jeu-là où est-ce que tu te mets en mode de slow motion un peu, là. Puis, mais tu vises les ennemis rapidement, tu sais. Moi, je faisais jamais ça. Hey! J'ai commencé à faire ça, genre, à la moitié du jeu, là. Et hey boy, mais là, tu peux bien avoir de la misère. J'avais vraiment de la misère. C'est pour parce que des fois, tu passes là, au milieu d'une foule d'ennemis, là. Tu passes au milieu, tu te mets en slow-mo, clac, headshot. C'était carrément. Ah oui. Ben, c'est pour ça que c'était tough, les boss, au début, là, parce que je les faisais comme à fret de même, là, tu sais. vraiment, jamais, là. Aucun ralentissement. Donc, Colin! Voilà. Mais écoute, là, ça a été toute une ride, puis j'ai eu du fun, mon gars. J'avais toujours le tellement goût cool, de jouer jeu-là. À ça. T'sais, j'ai downloadé des démos, j'ai d'autres jeux chez nous pour le PS3, puis tout. Puis non, man, c'est à ça que je voulais jouer. T'sais, quand j'avais du lousse, là, j'avais toutes consoles confondues, j'avais du temps pour toutes, là. Je voulais continuer ma game. Colin, Vanquish Brothers, vous avez vu là un autre client convaincu. Ah oui. Puis la façon que ça finit, il va sûrement en avoir un deuxième. Là, pas le choix. Là, le deuxième, ça va être bon. C'est tellement hot, ce jeu-là. La feeling, ton personnage est tellement un tueur. Bon, là, à la fin, là, la dernière scène, ben, y a une scène où est-ce qu'il est pendu dans le vide. Il se tient à un bras sur une plaquette là, dans le vide. Puis là, tu te dis, fuck, remonte, man, tu vas tomber, là. Non, il reste drett là, puis il s'allume une smoke avec son autre main, tu sais, puis il reste dans le vide de même à fumer tranquille, puis à se dire, tabarnak, ça vient de brasser. Là, il était carré. Puis t'as des scènes, des cinématiques, où est-ce que, genre, des fois, t'es entouré par 20 gars, tu sais, puis il les tue, tout, là, un après l'autre, en faisant des acrobaties, puis il les gunne, tu sais. Parce que là-dedans, t'as des ennemis aussi, à un moment donné, qui te courent après avec des épées, des katanas, tu sais. Ils veulent te trancher pis tout, mais toi, t'as un gun. Mais c'est beau, tu sais, là, tu te dis, ça flash, tu sais, quelqu'un qui veut te tuer à coup d'épée pis qui vole pis qui va vite. Toi, t'as un gun, tu sais, c'est comme poche. Mais non, tu sais, je sais pas, ça marche. Ça marche gun, au il bout. Fait des moves de gun, tu sais, pis non. Ah, pis juste aller à proximité d'un ennemi, là, pis le massacrer avec nos poings bioniques, là. Pis même des fois, je les gun à proximité, là, je suis collé dessus pis je dis ta, ta, ta, parce que quand t'es en slow motion, tu sais, t'entends bien comme il faut la balle quand même pis. Tu vois que ça y pète d'en face, puis il y a du sang, tu sais, ça... C'est tellement hot, là. C'était un jeu superbe, mon gars. Il m'a coûté 20$ neuf, là, chez Walmart, genre. Puis, c'est... Ben, écoute, c'est un peu la même affaire tout le long, là, par exemple, on s'entend, là. Mais c'est juste... Moi, c'est juste... C'est avec l'histoire, les cinématiques, les personnages... Le fait que les boss changent, les tableaux, ben, ça change, quand même... ils reviennent un peu pareil. Oui, ils reviennent quand même, mais je veux dire, c'est juste que ça, t'sais, ça fonctionne tellement bien. Ouais. L'univers est beau. Là. L'univers est beau, puis moi, c'est ça, j'aimais les personnages, t'sais, j'aimais... Ouais. Entre autres, c'est ça, je pense que c'est ça, il y a un des boss, c'est un genre de ninja qui disparaît un peu, il fait penser à Raiden dans Metal Gear Solid. Il vole, par exemple. Il était dans une espèce de petite salle informatique, puis... Tout se détruit. Ouais. Puis tu peux détruire tout, tu sais. Puis c'est juste, c'est vraiment, vraiment intense tout le temps. Puis à un moment donné aussi, il y a des espèces de bibittes qui avancent vers toi puis qui font exploser. Ouais, quand ils arrivent trop près de toi, faut que tu te sauves, ouais. Tu sais. C'est tellement hot, ils ont comme ajouté tellement de stress, la maudite musique là-dedans, genre... Ah ouais, parce que après chaque stretch de tableau, comme tu viens de finir une tuerie pas possible, là, ils te donnent un break. Là, tu regardes un peu partout pour trouver des guns pour reloader, tu sais. Là, ils te font ouvrir une porte. Là, tu le sais que quand la porte va s'ouvrir, il y a du monde au bord de ça. Puis tout de suite, là, tu sautes dans le bain. Là, t'es... Ah, man! Là, ça tire. Puis là, tes amis se font buter. Puis là, tu cours partout, tu capotes. Mais il y a une scène à la fin, à l'avant-dernier boss, mettons que... C'est comme dans une petite salle informatique, justement, comme tu parles. Puis lui, il est là, puis il te massacre. T'as genre 10 gars là, autour de toi. Là, habituellement, t'es capable d'en sortir. Mais là, l'espace était... Excusez, on a reçu un autre courriel. J'ai oublié de fermer le son. Quitte tes emails, ta vendouche. Il n'y a pas le temps, là, tu sais. Ça va trop vite, là. Là, je me retrouve à tirer des chaff grenades, langage de Metal Gear. Tu sais, des grenades qui... bug électroniquement les autres. Là, t'sais, j'en tirais, là, je gonnais slow motion, je me sauve, je glisse, je reviens, une autre grenade, vite. T'sais. Tout ça se faisait à la vitesse de l'éclair. Même. Je me demande encore comment j'ai fait pour réussir. Mais, c'est du gros, c'est du gros jus. Là, t'sais, vraiment le fun. Non, c'était écœurant. Fait que moi, garde, je vais rentrer là-dedans. Je vais parler de la PS Vita, tabarnouche. Ouais. Parce que c'est pas rien, j'ai acheté ça. C'est ça, il y a du monde qui vont penser, tu l'avais avec Monsieur Net. Non, je l'ai pas eu avec Monsieur Net. Monsieur Net l'ont eu vraiment tôt, quand même. Ouais. Donc, je l'ai vu, je l'ai pris dans mes mains, j'étais PS Vita. Mais j'ai attendu, je l'ai acheté le 15. Puis, avec Monsieur Net, j'ai essayé pas mal tous les jeux. Pour pouvoir faire des critiques. Déjà, en parlant de la PS Vita comme telle, la machine, c'est une véritable bombe. Moi, ben franchement, je m'attendais à ce que ce soit une bombe, mais pas tant que ça. C'est vraiment... tu sais, si je prends comme exemple Uncharted ou Wipeout, c'est le jeu de PS3. Je peux même pas dire genre, c'est un jeu de PS2, mais bien fait. Non, c'est PS3. Je l'ai vu, là. C'est la qualité. C'est incroyable. Le processeur est écœurant là-dedans. En plus, il n'y a aucun ralentissement dans ce que j'ai joué, ce qui est très, très fort. Puis juste le feeling de la console, la façon qu'elle se prend en main, ça va tellement bien. C'est pareil comme une DualShock. Les joysticks, au départ, je les trouvais un peu trop petits. C'est vrai qu'ils sont petits. Ils sont vraiment petits. Puis je me suis habitué. J'ai vraiment plus de problèmes avec. Donc ça va super bien. Il y a beaucoup de monde qui ont dit « c'est poche, les speakers sont en dessous des pouces. Okay. » Ben franchement, quand tu joues à une console portable, la plupart du temps, tu as des écouteurs de toute façon. Ouais. Puis quand tu n'en as pas, les speakers sont comme à l'intérieur des paumes de tes mains. Fait que tes mains créent une caisse de résonance. Ouais. Fait que ton son est bizarrement meilleur quand tu le fais, quand tu joues. Fait que c'est pas vraiment un argument puissant pour dire que la console marche pas. Le vent, te refroidis-tu les mains en plus avec le temps? T'as les mains toujours sèches, là? Les mains sèches. Parce que main, c'est pas masculin. Non, c'est une main. Ah, il y avait féminin. C'est légère. Légère que j'avais de la misère avec. Ah ben ouais. Dominique suit en classe, mais n'écoute pas les directives. Je suis bon en français, man. Dans mon examen au cégep, man, le gros examen ministériel, super puissant, là, de français, là, j'ai eu 4A, man. Ah, tabarouette. Ben ouais. J'étais un premier de classe en français. J'étais pourri dans les autres. Moi, avec en maths, là, j'étais vraiment nul, là. C'est-tu plate, les maths, tiens qu'un peu? Il y a du monde qui aime ça, man. Mais moi, j'étais pas dans cette sorte de monde-là. Mais j'ai bien de la misère à comprendre ça. Je trouve ça plate, les maths. Mm. C'est plate, les chiffres. Ah. C'est tout plus plate, les chiffres. À part ceux-là de ton compte en banque, quand ils sont gros. Exact. Mais ça peut être plate aussi. Ça peut être plate aussi, c'est ça. Faut que ça soit gros. Fait que, anyway. Ouais. Mais on parlait. Parler de la PS Vita. Ouais. Parlons donc. Ah, ben, continue. Bref, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, par rapport à la machine, les affaires qui me bug vraiment, c'est la machine, parce qu'on a parlé en masse de la PS Vita, c'est, entre autres, la petite porte sur le dessus pour aller chercher les jeux. Ça, vraiment, c'est pas une idée de génie. Parce que... une porte pour aller chercher des jeux. Ben, t'as une porte pour rentrer et sortir tes jeux. Ouais. Cette porte-là, tu y accèdes avec ton ongle. Parce qu'il y a comme une espèce de petit trou pour pouvoir pousser dessus. Ça va pas super bien. Tu finis par t'habituer et à être un vrai ninja de la chose, mais au départ, c'est pas évident. Okay. Et ça, je trouve ça plate. Je trouvais que c'est pas super réussi comme design. Il y a aussi le fait que c'est des cartes propriétaires à Sony pour ce qui est de la mémoire. Ça m'a écœuré. Ça te rajoute un 60$ sur ta console quand tu l'achètes. C'est ça. Sauf que moi et Tristan, on regardait ça. Puis, le monde peut bien chialer comme des malades. Si vous achetez exactement le même, la même type de mémoire, chose qui est pratiquement pas possible parce que celle de Sony est légèrement différente, mais l'équivalent coûte sensiblement la même chose. C'est un peu plus cher via Sony. Parce que c'est pas une carte SD, c'est une SIM. Puis c'est une carte SIM de Sony. Il n'y a pas un autre format comme celui-là. OK. Fait que si tu trouves quelque chose qui est pratiquement l'équivalent, c'est environ là, 10$ de plus. Okay. Fait que c'est pas si pire que ça au final. On pensait que c'était épouvantable, mais c'est pas si pire. Ouais. L'affaire qui est plate, c'est que Sony a décidé que ça soit un format propriétaire à la place d'opter pour du carte SD ou un truc comme ça. C'est ça. C'est carte SD, ça l'aurait fait, ça, me semble. Là. Carte SD, ça serait génial, mais évidemment, Sony ferait pas plus de ventes. Fait qu'ils ont décidé d'y aller avec ça, puis c'est sûr que le monde va acheter ce qu'il faut, tu sais. Ben oui. Mais moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait changer mon fusil d'épaule sur le téléchargement. T'sais, je me suis dit, ben, garde, ça me tente pas, moi, de payer ça, puis je vais. Garde, les jeux, il y a des jeux auxquels je sais que je vais jouer longtemps, je vais les télécharger. Puis je vais les mettre sur ma carte. Mais les autres jeux, que c'est juste un petit cookie, ben je vais l'acheter en vrai. Parce que quand tu achètes la copie un physique... Un petit cookie en vrai à 40$, là. Ben regarde, la copie physique, elle te coûte tout le temps 5$ de plus que la copie digitale. Et... Fait que c'est pas si pire que ça. Puis ça aussi, il y a beaucoup de monde qui capotait, qui disait hey, « les jeux sont super chers, 40$, ça n'a pas de bon sens. » Sérieusement, le 3DS, ça coûte 40$, là. Ben c'est ça, puis... C'est ça que ça coûte. J'ai une expérience next-gen, là, tu sais, je veux dire, en jouant à ça, c'est comme si je jouais à PS3. Mm. Fait que, tu sais, je me dis, ben, regarde, moi, je suis correct à payer ça. C'est sûr que si les jeux s'en viennent, là, 59 puis 60$, ça commence à être cher en maudit. D'ailleurs, Uncharted, tu sais, il est 49, c'est quand même cher, là. Ouais, c'est cher. 39$, je trouve ça correct. 49, j'avoue que c'est un peu poussé la limite, là. Mais Uncharted, c'est quand même le jeu le plus puissant de la console présentement. Fait que c'est ça, j'ai une super bonne expérience avec la Vita. C'est un achat absolument, c'est vraiment une super belle machine. Puis les jeux comme tels, moi, regarde, j'ai joué à Uncharted. Uncharted, très, très, très, très, très solide comme aventure. C'est sûr que c'est pas exactement la même chose que les Uncharted qu'on a sur console. Parce que tu n'as pas justement les espèces de poursuites épiques qu'il y a dans les jeux. Ouais. Malheureusement, ils ne sont pas exactement pareils là-dedans. C'est probablement une décision de design parce que le jeu a été fait en parallèle avec Uncharted 3. Puis c'est Bend Studios qui l'ont fait, c'est-à-dire que c'est pas Naughty Dog. Fait que c'est sûr que c'est deux choses. Puis eux autres sont allés faire ça avec les modèles d'animation puis tout d'Uncharted 1. Fait qu'ils travaillaient avec du matériel d'Uncharted 1. Fait qu'ils travaillaient pas avec le matériel le plus récent. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu un manque de communication, mais on pourrait quasiment dire ça entre les deux. Fait que j'ai l'impression que le deuxième va être meilleur. Mais celui-là est très bon, très solide. Après ça, on peut aller chercher les trésors. Avec moi, je suis allé chercher des cartes pour trouver les trésors. Okay. Tu peux avoir ça en DLC à 99 sous, puis c'est vraiment pratique. C'est un jeu qui est le fun, c'est un jeu qui est riche. On oublie complètement qu'on est sur une console portable. C'est beau, c'est grandiose. J'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai joué aussi à Rayman Origins, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Et Rayman Origins, mon gars, c'est la même affaire que sur console. C'est identique. Ouais. Fait que c'est cool de pouvoir décider de jouer à un jeu T'sais, de dire, bon, ben moi, je vais acheter soit la version 360, PS3 ou PS Vita, tu sais. Ouais. Ça fait partie comme du lot maintenant, puis ça, je trouve ça cool. Ben, ça, c'est hot. Ouais. Ben, quand tu vas pouvoir passer d'un à l'autre, de ta PS3 à la Vita, là, ça va être malade. Oui, vraiment. Ça, c'est super intéressant. Oui, c'est sûr, là. Puis là, il y a des jeux crossplay qui vont sortir, entre autres. Ben, il y a le prochain MotorStorm qui va sortir, que tu vas pouvoir jouer. Tu vas faire un téléchargement, puis il va fonctionner pour ta PS3, puis pour ta Vita. Mais à l'origine, ça va être un jeu de Vita, dans le fond. Ouais. Il va être jouable sur ta PS3, pas le contraire, parce que ça serait trop gros, un jeu de PS3 sur la Vita. Non, c'est ça exactement. Mais ouais. Je sais pas comment ça va fonctionner encore, parce qu'évidemment, le jeu n'est pas sorti. Mais l'offre qu'on donne, c'est de dire que le jeu il est jouable sur la PS3, puis sur la PS Vita. Ouais. Fait que je sais pas à ce moment-là, ça va être quoi le format, tu sais. Ouais. Mais j'ai vu Wipeout sur une PS3, le Wipeout 2048 qui est sorti pour la PS Vita. Mm-hmm. Puis c'est super beau, là, tu sais. C'est sûr que c'est pas du HDMI, là. Ouais, c'est ça. Pas du gros HD, mais c'est vraiment beau, tu sais. Parlons-en de Wipeout vite fait, là. Oui. J'ai trouvé ça drôle, moi, qu'ils repartent un Wipeout comme launch game pour ça, tu sais. Ben, c'est là, parce tout que. Tout le monde trippe Wipeout soudainement, là, tu sais. Mais non, Wipeout, mais... c'est vieux en salle, là. C'est vieux en salle. Je sais pas si mais... vous le savez, là. Puis, ouais, mais. Il y a un gros fanbase de Wipeout, mais c'est pas un jeu mainstream, je trouve. Ben, tant que ça, là. Mais c'est parce que Wipeout, c'est comme un. C'est comme un des. Il porte le flambeau des jeux de lancement de Sony depuis tout le temps. Ils ont lancé la PS3 avec c'est un Wipeout. C'est vrai que au PS1, la boîte de Wipeout 1, le premier des premiers, c'était la boîte en carton plus haute. Oui, exact. Ouais. C'est vrai qu'ils font toujours un Wipeout. PS1, ils l'ont lancé. PS2, ils l'ont lancé. PS3, ouais. PSP aussi. PS3? Oui. Ouais. PS3, okay. ils ont lancé avec un Wipeout. C'était Wipeout HD, je pense que ça s'appelait tout simplement. Ah puis... oui, c'est vrai, il est téléchargeable, je pense. Oui, excellent. Il est vraiment, vraiment bon. Fait que tu sais, ils ont tous lancé leur console avec ça. Puis il y a un standard de qualité incroyable avec ce jeu-là. Ah, c'est, ben oui. C'est de la bombe, là. T'sais. Ouais. La musique aussi, bien, il joue pour beaucoup dans cette série-là. C'est vrai. C'est encore le cas. Puis la vitesse, oui, c'est encore le cas. La musique, genre c'est musique quand techno, même. Là, l'espèce de musique techno, des artistes reconnus. Ouais. Puis le nouveau, c'est le jeu. Ça a été dit par Sony, c'est le plus beau jeu de la PS Vita. C'est présentement, si on veut voir jusqu'où cette console-là est capable d'aller, c'est ça le showcase, le meilleur showcase. OK. Fait que c'est même pas Uncharted le meilleur showcase, là. C'est vraiment Wipeout. Okay. Quand tu regardes le jeu en action, là, t'en reviens juste pas que ça existe sur une console comme ça. Tu te dis comme, fuck, c'est juste trop beau, là. C'est trop beau, ça va vite, c'est le fun, c'est vraiment un des meilleurs jeux. Ça, c'est un jeu qu'on devrait acheter, là, les yeux fermés, mais franchement, là, c'est vraiment bon. Ben, si t'aimes la course, là. Ouais, c'est ça, si t'aimes la course, c'est sûr, si t'aimes pas les jeux de course, ça sert à rien, là. Ouais. Mais parlant de jeux de course, j'ai joué aussi à Mod Nation Racers, Road Trip. Tu l'avais moins aimé, lui, merci. Vraiment pas terrible. Okay. C'est une affaire de Mod Nation que je comprends pas, c'est qu'il s'obstine sans arrêt à essayer de nous enfoncer la création dans la gorge plus qu'un jeu. T'sais, là, ce qui est mis de l'avant dans Mod Nation, c'est tout le temps la création des tableaux, mais le mode carrière, il est super dur à trouver. Quand tu finis par le trouver, il est comme vide, le mode carrière. Tu sais, tu fais les courses une après l'autre. Les personnages n'ont aucune personnalité, ni les courses. Pourtant, c'est plate parce que les power-ups dans Mod Nation sont écœurants. Je les aime même mieux que Mario Kart. Parce que tu as comme un système de power-ups dans Mod Nation où ton arme, si tu l'attrapes, une deuxième puis une troisième fois sans la dépenser, elle devient plus puissante. Ouais, c'est hot, ça. Ça, c'est cool en tabarnouche, tu sais. Puis j'ai vu ça dans d'autres jeux, là, mais c'est le fun qu'il y ait ça. Puis je veux dire, le jeu fonctionne pas, entre autres, à cause que c'est trop poussé sur la création. Puis moi, j'ai pas le goût de créer des pistes de course, là. J'ai le goût de jouer à une carrière. J'ai jamais été un fan de la création d'un jeu, moi. Exact. Mais tu sais, Sony veut vraiment pousser ce côté-là. Là. Avec Little Big Planet aussi, c'est la même affaire. Mais contrairement à ça, Little Big Planet, il y a un mode carrière qui est très précis. Quand tu commences, tu peux commencer une partie à un, puis paf, tu vas les avoir tes tableaux avec une histoire, avec tout ce qui vient avec. T'sais. Fait que ça, c'est dommage. Un autre jeu qui est poche, Michael Jackson Experience. Achetez pas ça, c'est pas terrible. C'est comme c'est un jeu de rythme, mais c'est un jeu de rythme sans saveur. Tu sais, t'as jamais de point fort vraiment. Tu sais, tu glisses ton doigt à l'écran dans certaines directions, puis des fois tu tapes. Puis je dis, il y a juste rien. Tu sais, il est juste vide. On dirait qu'il manque des éléments. On dirait que c'est un jeu qui n'est pas fini. Puis je sais que c'est un jeu qui au départ a été fait pour la Kinect. Fait que j'ai l'impression que tout le reste des tous les autres jeux, c'est comme un port de ce qu'il y avait eu pour la Kinect. Puis l'équipe a fait comme, ah, mettez une patente là, que tu bouges ton doigt à gauche, puis ça fait le mouvement. Là. Sortons-le, là, puis on va arrêter d'en parler. Là. C'est ça, c'est un quick cash-in de Ubisoft, puis c'est bien ordinaire. Sinon, à part de ça, j'ai joué à Touch My Katamari. Je viens de commencer à jouer. Ouais. Super le fun, vraiment un très bon jeu qui est pas cher, il est 29$. Okay. Mais malheureusement, il n'y a rien de nouveau. Ouais. C'est sûr, il n'y a rien de nouveau, mais c'est tout aussi le fun. Ben, il y a de quoi de nouveau. Maintenant, tu peux stretcher ton katamari en glissant tes doigts sur l'écran. Fait que tu peux stretcher pour pouvoir attraper plus d'objets. Okay. Puis tu peux aussi le compresser pour passer dans des endroits où tu ne pouvais pas auparavant. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Puis le jeu, je veux dire, est quand même assez ridicule. Puis la trame sonore est malade. Ah ouais? C'est une des meilleures trames sonores de Katamari. Puis justement, le dernier qu'il y avait eu sur PS3 m'avait un peu déçu justement pour ce qui est de la trame sonore. J'avais fait la critique à Monsieur Net, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est quand même un bon Katamari. Puis en passant, téléchargez pas le démo de Unit 13 parce que ça fait geler la PS Vita. Ah ouais? Ouais, moi il m'est arrivé un événement épouvantable à Monsieur Net. On allait parler des jeux, puis ma PS Vita a lâché à peu près là, 2 minutes avant de rentrer en onde. Ouais. Puis c'était, j'ai parti la démo de Unit 13. Puis j'avais plus de son à un certain point. Comme le bonhomme parlait, puis à un moment donné, plus de son. Fait que là, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer ma console, puis je vais la repartir. J'arrive à fermer ma console, ça gèle. Puis là, après ça, ça gèle un écran noir, puis j'ai le logo PS qui clignote sans arrêt. Fait que là, c'est le Blue Light of Death, comme ça a été nommé sur Internet. T'sais. Puis là, je savais pas quoi faire. Ça avait l'air que... Là, j'essaye de peser sur mon piton power puis de pas lâcher. Ça fonctionne pas pantoute, je capote. Là, on cherche toute la gang. J'étais avec Tristan puis Denis. On est comme, fuck, c'est ça. On le plug dans le mur, ça marche pas. Là, Denis, il dit, crime, c'est vrai, il me semble, c'est la PSP. Il y avait un moyen de la restarter sans... c'était plus que le bouton power. Là, c'est comme, ah oui, c'était le bouton power puis triangle. Fait qu'on essaye, ça fonctionne. OK. Fait que là, j'ai redémarré ma console. Elle fonctionne, il n'y a aucun problème, tu sais. Comme de fait, par rapport à ça, il y a plein de haters qui en ont profité pour faire comme « Ah, PS Vita is doomed! » Ouais. Mais c'est pas vrai, tu sais. Il m'est arrivé la même affaire avec ma 3DS, tu sais, à geler la machine. Pis... Ah ouais? Ouais, moi, la 3DS, elle a gelé une couple de fois, entre autres à cause des connexions en ligne, ça m'est arrivé. Okay. Ça m'est arrivé aussi pendant que je jouais à un jeu de DS. Je jouais à New Super Mario Bros. Puis ça a gelé. Okay. Mais n'importe quelle machine gèle. Mm-hmm. T'sais, c'est pas à cause que c'est une machine qui est mal faite. Tu fais un restart puis c'est fini. T'sais, on a tous des ordinateurs au bureau puis ils gèlent. Ouais. Fait que t'sais, faut pas trop s'en faire avec ça. Là, parce qu'il est bon. Là. Pas le mieux. Là. Mais non, mais c'est ça. Mais bref, la PS Vita solide. Les jeux sont solides. Pas tous les jeux, évidemment, mais quand même un lancement de 25 jeux, c'est pas rien. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un investissement. Par contre, chez EB Games puis chez Future Shop, il y a des offres. Fait que si vous avez des jeux à échanger, vous allez les échanger, vous allez avoir la PS Vita moins chère. OK. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est vrai. Je veux dire, tu sais, si vous jouez plus à... Si vous ne jouez plus à certains jeux, là, carrément, ouais, vendez-moi ça, tabarnouche, puis achetez-vous une Vita. Parce que c'est ça, à mon avis, il n'y a personne qui peut regretter cet achat-là. Là. Moi, je le regrette vraiment pas, puis j'ai énormément de fun avec. Mais, j'en dis pas plus, parce que c'est notre discussion de tantôt aussi. On va parler de la Vita contre la 3DS. Ben oui. Rétronouveau.ca. Fait que moi, je voulais parler des mash-ups. J'ai commencé ça aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, mercredi matin. Ouais. T'as eu l'idée dans ton char. Mais j'étais dans mon char puis je me disais, Colin, il me semble que ça serait une bonne idée de faire des mash-ups de héros de jeux vidéo. Ouais. Parce qu'on est designer graphique les deux. Ouais. Fait que on est capable. Ouais, c'est ça. On est capable. Bruno, t'as déjà fait une première démonstration avec Peach Rider. Ouais, Peach Rider, qui est un mélange de Princess Peach puis Tomb Raider. Mm. C'est beau. Ouais, c'est beau travail. Merci. Non, j'étais super content, puis ça a fait le tour du web. Il y a plein de monde qui ont regardé ça. C'est beau aussi, là. C'est bien cool. Puis c'est de la pub pour nous autres en même temps. Faut pas, se leurrer. Oh non, mais en même temps, c'est cool. Là. Moi, j'en ai un que je suis en train de faire là, présentement. C'est de l'ouvrage, pareil. Si vous ne connaissez pas Photoshop, c'est vraiment de l'ouvrage. Là, il faut que je découpe mon personnage. J'ai des affaires à rajouter en arrière, par-dessus, ça, les couleurs, tu sais, changer les couleurs. C'est pas mal. Ça se fait pas là, en une heure, ça. Là. Non, c'est une grosse job. Mais c'est cool, tu sais, parce que comme quand tu as un blog, tu peux rebloguer des affaires, mettre des petits cookies, des trucs comme ça. Tu peux écrire des articles un peu plus longs, tu sais. Puis, mais moi, bon, OK, on écrit des articles, pas souvent, là. Moi, j'en écrivais beaucoup sur Papa, ben pas tant que ça non plus sur Papa Cassette, tu sais, mais c'est long, ça aussi. Mais ça, c'est long, mais c'est un autre, comment dire, c'est une autre façon de faire des choses longues, le fun, parce que c'est notre travail de tous les jours, tu sais. C'est ça. Fait que ça se fait bien quand même, là. Un document Photoshop ouvert sur le site, on fait ça sur l'heure du dîner, tu sais. Ça demande pas de recherche, tu sais, de texte, là, puis de se relire, de se corriger, tu sais. C'est comme... Ça, c'est juste c'est une idée. Tu te dis, hey, ça serait donc bien trippant de voir ces deux-là mélangés. Tu sais, puis, C'est des œuvres artistiques. C'est ça, c'est des œuvres. On va les imprimer grand format puis on va les vendre. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se fait actionner. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Puis si vous avez des suggestions, puis des suggestions de mashup. Des suggestions faisables. Oui, faisables. Ben, des fois, c'est vrai que ce serait pas faisable. Ouais, là, parce que moi, j'ai eu une couple d'idées aussi. Puis je me disais, ah oui. Puis finalement, tu sais, je pense qu'il y a sur le web. Puis je non, ça sera pas possible. T'sais. Moi, j'essaie de. La plupart du temps, comme là, tu sais, Peach et Tomb Raider, c'est parce que je pogne deux personnages que veux pas. Quand j'y pense, je le vois dans ma tête, tu sais, que c'est proche, tu sais. C'est comme tu me verras pas mélanger, admettons. Tu peux pas faire Batman, gars de contrat, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, il faut quand même que ça look, puis il faut pas que ça dénature tant que ça le personnage initial, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, à matin, c'était basé vraiment sur Tomb Raider, puis c'était comme si Tomb Raider s'était mis en Peach, puis c'était un peu le but, tu sais. Je ferais pas de quoi qui fait qu'on reconnaît pas le personnage ou qu'il y a tellement de kits sur lui que tu sais même plus c'est qui. Là. Ouais. Mais c'est ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Puis aussi, en passant, vous avez pu voir que j'ai fait souvent, j'en ai moins fait durant les deux dernières semaines, mais des doodles. Je fais des petits dessins de jeux vidéo. Ouais, c'est comme ça. Des faces. C'est ça, des faces, des petits bonhommes. Puis si vous avez des idées, des personnages que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à demander. Puis Colin. T'as déjà fait Carnov, là, qui aurait été une de mes demandes spéciales là, si tu l'avais pas déjà fait. Mais j'en ai d'autres là, que je vais te demander. Parce que là, j'ai fait Carna, j'ai fait Bubble, j'ai fait Léon de Resident Evil. Ouais. Qui sait, j'ai fait d'autres. Il n'y avait pas d'autres, mais ça. Il me semble qu'il n'y en avait pas d'autres. Non, mais ça, c'était ces trois-là. Fait qu'en tout cas, si vous avez des idées, demandez. Sinon, de toute façon, moi, je vais continuer à dessiner n'importe où quand j'ai le temps. Fait que. Ouais. That's it. Bon. Moi, je veux parler, je vais revenir encore un peu avec Papa Cassette parce que mes affaires s'activent un petit peu. J'ai vendu, j'ai vendu pas mal de stock au cours des deux dernières semaines. Je transforme le blog et de plus en plus. Là, je t'apprête à essayer de mettre un bouton payer ici dessus. Ça a l'air niaiseux, là, mais pour un gars qui connaît rien en programmation, tu sais, c'est pas si simple. Mais là, j'ai trouvé le bon tutoriel là, pour le faire. Là. Okay. Donc, ça, c'est cool. Puis j'ai commencé à poster des choses aussi à des gens, tu sais, qui sont pas à Montréal. Il y en a qui viennent chez moi, dont Martin Hull, qui est mon client platine, ma foi. Il vient chez nous quasiment toutes les fins de semaine me chercher des choses. Donc, merci beaucoup, Martin. Puis c'est bien cool. Ouais. Puis Jean-François Chabot aussi, qui est venu chez nous. Puis c'est le fun parce que les gars, ils viennent, tu sais. Là, je leur donne leur jeu. Bien, tu sais, on jase un peu. Ouais. Moi, je suis un gars bien friendly dans la vie. Là. Vous venez dans ma maison, on va en arrière, dans mon coin rétro, on regarde mon stock, on danse, ouais. Tu sais, je vous montre des trucs, vous m'apprenez des affaires. C'est bien, bien friendly comme ouais. Ça. Là, après ça, il ouvre une porte, il vous enferme en bas, puis vous voyez plus votre famille jamais. C'est ça, puis je pars avec votre char. Non, mais c'est ça, ben ça peut, je sais pas, il y a du monde qui ont peut-être peur d'aller chez le monde. Moi, je suis pas ce genre-là. D'ailleurs, je ferais pas ce commerce-là si c'était mon cas, parce que... Non, j'avoue. Je vois dans, j'ai, je suis allé chercher un Atari dans la cour d'un Toys R Us à Kirkland. Ah, et puis, man! Je suis allé dans un... Non, mais j'étais dans l'ouest pas mal. J'étais dans le coin du Ikea, okay. Tu sais. Fait que j'étais pas si loin que ça. Là. Ouais. Puis j'étais allé dans un sous-sol de Hochelaga chercher une dizaine de jeux. Tu sais, ah, vraiment, ouais. Je vais chercher ça n'importe où. Donc, tu sais, le monde, ça me fait pas trop peur. Là. Puis le monde, ouais. Sont bien cool d'habitude. Fait que je suis cool moi aussi. Puis si vous voulez m'acheter des jeux, venez chez nous. Ça va me faire plaisir. On va avoir du fun. Ah, puis ouais. C'est ça, je commence à en poster aussi. Mm-hmm. Faut que juste le shipping, tu sais, c'est pas quelque chose que je connais. Ouais, là, ouais. Mais en tout cas, je suis en train de m'ouvrir un compte privilège, puis checker comment ça coûte. Ça revient toujours un peu au même, je pense. Donc mm-hmm. Voilà, j'en parle parce que dans le fond, je poste habituellement ce que j'achète sur Rétro Nouveau. Ouais, ouais. Ça ligne sur Papa Cassette. T'sais, j'aime ça poster mes acquisitions. Mm-hmm. Tout n'est pas toujours à vendre, mais quand ça l'est, je le mentionne en dessous. Là. Donc, quand vous voyez du vieux stock apparaître sur Rétro Nouveau, c'est que c'est probablement à vendre. Là, ouais. Que, juste à lire en dessous. Mais c'est le puis, fun, Caroline. Papa Cassette travaille pour vous autres. Je travaille pas mal pour vous autres. Puis allez ben pas ouais. Penser que je me mets riche avec ça, hein, parce que... Ah non, mais je suis témoin. Vraiment, là, des jeux de NES, là, des fois je fais 5$, des fois je fais 2$, mm-hmm. Tu sais, ça dépend, là, je revends les jeux à leur valeur, mais ça veut pas dire que je les achète toutes pour des pinottes, là, tu sais. Oui. Des fois, le même jeu, je peux l'acheter 5$ à quelqu'un, ou je peux l'avoir, mettons, à 3$ dans une batch parce que j'en achète 20. Oui. Ou des fois, je l'achète à l'unité parce que, OK, il est top shape, tu sais, mais je fais vraiment pas de l'argent avec ça, là. Mais c'est pas mon but, là, de toute façon. Là, mais mon non. But, c'est d'avoir du fun, puis j'en ai, tu sais. Oui. Mais tranquillement, j'apprends à réparer les Atari. J'ouvre les cassettes, des fois, comme j'ai pogné un jeu de Zelda qui marchait pas bien, je l'ai ouvert, j'ai arrangé le dedans, tu sais, j'ai refermé ça, je les nettoie, tu sais, aussi, avant de les vendre, oui. Je prends du stock propre, là, vraiment, je frotte les jeux, mon gars, comme ça. Colin, man, t'es vraiment le papa cassette. Ah, je suis vraiment le papa cassette. Alors, continuez de garder l'œil ouvert sur le blog quand il y a des trucs, des images de cassettes comme ça, c'est souvent à vendre. La console. Alors, console d'aujourd'hui. Une console que je n'ai jamais possédée et que je ne suis pas sûr de vouloir posséder. Ben écoute, j'aimerais ça d'en avoir une, là. Je vais parler de l'Atari Jaguar, mesdames et messieurs. Donc, c'est la console yes. 64 bits de Atari, ça, qui était un peu l'équivalent de... Ben, ça, c'était en guerre avec PlayStation 1 et Sega Saturn. Oui. Donc, pour bien nous situer, je vais faire un petit... pour nous ramener dans le temps un peu avec des dates de consoles là, qui sont sorties pour voir c'était dans quel coin. Donc, Atari a sorti le 2600 en 1977, a sorti le 5200 en 1982, a sorti le 7800 en 1986, et en 86, ont également ressorti le 2600, mais junior. Okay. Qui était le plus petit format, tu sais. Mettons, ah ouais. T'as le vieux Atari avec du simili-bois en avant, là. Oui. Puis t'as le petit, là, qui est comme stainless, un peu bien mince, là. Oui. Ça, c'est le junior, ça. Mais tu vois que, comme 8 années plus tard, c'est ça, 1977, 86, 91 années plus tard. Non, 9. J'avais dit tantôt que j'étais pas bon en maths. 8, 9, 16, 9, 7, 32. 9 années plus tard, écoute, oui. Atari ressort la même console, tu sais, okay. Est encore aussi populaire, là. Il y a vraiment, Atari, c'est la 2600, là, qui vendait, là. Ah, puis, mais encore même, là, encore c'est aujourd'hui, console les qui gens, vend encore, c'est, ça, là. C'est ça qui trippe, là, tu sais. Oui. Mais c'est fou, pareil, pense-y, 9 ans plus tard, c'est là. C'est ben, ils vont-tu ressortir une PlayStation 3 dans 9 ans, tu sais? Ouais, c'est ça. Vrai, là. Fait que c'était quand même assez précurseur. Alors, 1987, PC Engine et Turbo Graphics 16. 1988, Sega Genesis. 1989, Atari Lynx, qui était leur console oui. Portable. 90, Super Nintendo. Donc, on a 88 et 90 pour les consoles 16 bits. Panasonic 3DO en 93 et Atari Jaguar en 93 aussi. Donc, soit 4 ans... 3 ans, excusez-moi. On va avoir l'air d'un épais encore. Pourri avec les chiffres. 3 ans après le Super Nintendo. OK. Là. Donc, de 16 bits à 64 bits en 3 ans. Puis, en même temps, en 94, comme quasiment tout de suite après, est sorti PlayStation 1. 94 est sorti le Sega Saturn. Puis après ça, c'est allé en 96, 98, 2000 là, pour 64 Dreamcast, PlayStation 2. Alors, tu vois que on s'attendrait à ce que ça torche en mort là, un Jaguar, là, vu que ça se battait dans le fond ça contre le Genesis puis le Super Nintendo. Mais ça torche pas tant que ça. Non, c'est ça. Pourquoi. Ça a été fait ça dans le fond. Il y avait une compagnie qui s'appelait Flair Technology. Okay. Et, c'était formé par Martin Brennan et puis John Matheson. Ils travaillaient sur le Konix Multisystème. Ça, c'est des joysticks. Ah. Un genre de vieux joystick rétro. Là. Okay. Dans ce temps-là, Flair, il était bien, bien hot pour ça. Puis ça marchait à fond, ces joysticks-là. Ça a l'air. Donc, Atari, voyant ce succès-là, ils ont demandé aux deux dudes de fermer donc ça, Flair. Puis ouvrez Flair 2. Puis vous allez travailler pour Atari. Puis c'est Atari qui va vous donner tout votre argent. T'sais. OK. Fait que, alright, eux autres, ils partent là-dessus. Donc, ils ont eu comme mandat de développer une console à moins cost effective, tu sais, comme à coût raisonnable, pour faire compétition au Genesis puis au Super Nintendo. Fait que les deux gars, ils ont dit, on va faire ça, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à travailler, puis ils ont travaillé sur deux consoles au départ. Une 32 bits, qu'ils ont appelé la Panthère, puis une 64 bits, qu'ils ont appelé la Jaguar. OK. Puis, étrangement, on dirait que la Jaguar se développait plus vite sur les deux projets qu'ils travaillaient. Okay. Et on dirait que ça s'avançait plus vite. Fait qu'ils ont décidé finalement de laisser tomber la 32 bits. Là. Ce qui est quand même bizarre, tu sais. Mais en même temps, c'est un peu comme maintenant, des fois, les machines qui ont plus de place, c'est plus facile de développer pour parce que tu as moins de compression à faire par la suite. Comme mettons, travailler sur un jeu de Wii puis un jeu de 360, c'est complètement différent parce que oui, t'es limité par l'espace disque, t'es limité par le processeur de la console, les graphismes, tu sais. Tandis que ça, à 360, t'as pas ces limitations-là, fait que ça va aller plus vite, en tout cas, à mon avis. Ben, c'est sûr. Mais ils doivent pas avoir travaillé ben longtemps, ça à 32 bits, là, je pense. Non, je penserais pas, là. Quand, la minute qu'ils ont vu qu'il y avait de l'espace en masse dans 64, tu sais. Mais en même temps, attention, parce que... La Panthère n'est jamais sortie, par exemple. La Panthère n'est pas sortie. Mais ce qui arrive, c'est que... Oui, Atari dit que c'est une 64 bits, mais c'était très ambivalent, ça, là. OK. Là. Parce que... Puis là, je vais parler technique, puis s'il y a des gens qui sont calés là-dedans, ils vont trouver que je dis n'importe quoi. Tu vas pas donner quoi, des là, chiffres, mais, toujours, là. Je vais donner des genres de chiffres, des petits codes. Donc, c'était questionné, ça, que c'était un système 64 bits, parce que le CPU puis le GPU exécutaient du 32 bits instruction set. Puis ça, c'était envoyé, ça envoyait send control signal, ouais, c'est ça, ça envoyait le contrôle, un signal à un 64 bits graphique coprocesseur. Okay. Donc, ça produisait du 32, mais c'était envoyé à un processeur de 64, tu sais. Oui. Ça produisait pas du 64 qui passait dans du 64, tu sais, tu comprends? C'était okay. Comme moins bon, puis ça passait dans un super bon filtre, là, finalement. C'était pas du vrai 64, là, si on regarde ça de même. Mais Atari disait que juste le fait qu'il y ait un processeur 64 bits là-dedans, c'était assez pour dire que c'était une console 64. Bravo! je me porte une compagnie de char demain, tu sais, je mets des moteurs de Ferrari dans les chars, mais je les branche pas, tu sais. Ah, ça roule autant que c'est un moteur de Ferrari, tu sais. Aïe, c'est donc bien épais. C'est vraiment épais, là. Donc, la Jaguar a été introduite en novembre 1993 à un prix de 250$. C'était quand même... C'était cher dans ce temps-là, quand même, 250. Prix d'une Vita. Hey! Pense-y. Autant d'années plus tard, là. Non, ben c'est ça, dans ce temps-là, c'était fou, beaucoup là, dans ce temps-là, c'était beaucoup d'argent. Ouais. Nintendo, c'était 100$. Ouais, les Super Nintendo, 150. Super Nintendo devait être 150. 150, Super Nintendo. Il n'y avait pas 64 bits. Là. Non, pas 64 bits. C'est c'était vrai. Une crosse pareil. Hey, méchante crosse. Ben, c'est ça, c'est sorti avec le slogan justement Do the math. Pense-y, buddy, 64 bits ou 16 bits. Do the math. Tu vas avoir 4 fois plus de fun qu'avec 16 bits. C'est sûr. Do the math. Puis le jeu qui venait avec la console, ça s'appelait Cybermorph. C'était okay. un 3D shooter auquel je pense que tu as joué. Oui, oui, ben j'ai viens d'en voir des gauche, images là. Ouais. Des images de cauchemar de cette phase. Ouais, c'était pas terrible. Ça n'a pas été le grand jeu, ça, là, mais ça a été comme correct là, pour la console là, au lancement, disons. Parce qu'il y a eu des belles affaires sur la Jaguar. Ouais, puis je vais en nommer quelques-unes tantôt. Ça va prendre à peu près 5 secondes. Mais il y avait un bon jeu, un jeu correct aussi en launch, qui était Trevor McFure in the Crescent Galaxy. C'était l'histoire de des jaguars, étrangement, qui conduisent des vaisseaux spatiaux. C'était un 2D shooter. Et on dit que c'était la copie de Thunder Force 3 au Genesis. Donc ça, c'est un jeu correct. Mais tu sais, le problème avec ça, c'est que c'était purement très laid. Tu sais, comme la scène, l'animation au début, tu sais, t'es un putain de jaguar, là. Ouais. La pochette, t'es ultra laid, t'es tout de cheesy. J'ai fait les maths, Calis, qu'est-ce que c'est passé? Je me ramasse avec un jaguar qui chauffe des vaisseaux. Qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, quand je repense à Trevor McFure, tu sais, ça me fait penser à Fox McCloud. Ouais, moi aussi. Au Super NES, là. Tu sais, Trevor McFure, Fox McCloud, des animaux qui chauffent des vaisseaux spatiaux. Moi, ça me fait penser à Troy McClure, des Troy Simpsons. McClure, ouais. Ah, Troy. Ah, it's Troy McClure. Mais, ouais, c'est... C'est drôle. Je me demande si Nintendo n'a pas puisé un peu la gamique de Fox McCloud là-dedans, de Star ça se Fox. Peut-être qu'ils ont dit comment ça pas faire les affaires, Colin. On va lui voler du stock, on va lui voler des idées. Parce qu'il y a un jeu que j'ai revu passer, je regardais une compilation de jeux Jaguar sur YouTube pour me redonner des beaux souvenirs. Parce que j'y ai joué à Jaguar. Oui, moi j'ai jamais joué. Non. Mais moi, c'est ça, c'est parce que moi, j'avais un chum louche qui en avait acheté une, ou il l'avait peut-être pas acheté finalement, mais il y en avait une. Ouais. Puis c'est ça. Puis il y avait aussi un jeu que je me souviens, j'ai eu quand même du fun. C'était Bubsy, je pense, son nom. C'était comme une espèce de chat. C'était un genre de. C'était comme un Sonic. Mario mélangé avec Alex Kidd, mais en chat. C'était un peu comme Sonic, mais qui courait pas. Puis au lieu de ramasser des rings, des anneaux, tu ramassais des pelotes de laine, c'est des ça. Balles de laine. Il avait pas vraiment de pouvoir. Il avait au Super Nintendo, OK. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Moi, j'avais revu ça, puis je sais qu'avec lui, j'avais eu bien du fun. Mm. Il y avait aussi, là-dessus, il y avait aussi Wolfenstein 3D. Il est sorti... Il y avait eu Doom aussi. Il y avait Doom aussi. Il y avait eu pas Duke Nukem. Ça, c'était des sujets, des jeux qui ont bien marché. Ouais. Ça, Alien vs Predator ça, aussi. Ça, c'était bon. Ça, c'était pas mal dans leur top jeu. Là, ouais. Ça, là. Où est-ce que tu pouvais jouer un Marine ou un Alien ou un Predator? Là. J'ai jamais joué à ça, là, par exemple. Non, moi, j'ai joué puis j'ai adoré ce jeu-là. Mais moi, ce qui m'a surpris de la Jaguar quand je regarde les jeux, c'est que c'est inégal graphiquement. Ah oui. Ben, y en a que tu te dis comme « Wow, ils ont trouvé la technologie, là, ils ont fait les maths. » Mais il y en a d'autres, là, j'ai vu un jeu avec un char super carré, là, de, genre la 3D de 1981. Là, là tu te dis « Voyons donc, c'est donc bien bizarre. » C'était inégal, il y avait des jeux qui ressemblaient à Super NES. C'était inégal parce que le plus gros problème de la Jaguar, c'est que le development kit était tout croche. OK. Quand tu étais un programmeur, tu voulais programmer un jeu de Jaguar, tu avais ton development kit, puis il était incomplet, tu sais. Ce qui fait que les programmeurs fallait, genre, qu'ils improvisent, puis qu'ils inventent des affaires, puis écrire du code, là, c'était l'enfer pour des jeux de Jaguar. Fait que ça, c'est le gros problème qui fait qu'il n'y a pas sorti beaucoup de jeux. Puis donc, tous les jeux sont très différents. Tu sais, pas comme la même qualité à chacun. Puis à cause de ça, ben là, les magasins sont comme là, ton jeu, il s'en vient-tu? Ouais. Commandes-tu des jeux? T'sais, les magasins étaient réticents à. Ils étaient pas sûrs d'en commander, finalement. Puis, ben, tu sais, ils étaient pas sûrs si le library allait être gros. Et les jeunes vont-tu l'acheter des Jaguars? Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Là. Ça sort pas souvent, les jeux de Jaguars. Fait que à cause de ça, là, ça a fait très, très, très mal. Puis, tu sais, faut pas se le cacher, là. Tu te battait contre la Super Nintendo, là. Oui. Puis il y avait genre des centaines de jeux, là, tu sais. Oui. Dont puis qu'il y avait déjà des fans, là. C'était gros fait, fanbase des fanbase jeux, là, des classiques, là, tu sais, puis des bonnes affaires. Puis oui. La console était moins chère, les jeux étaient moins chers. Tu sais, à Noël, qu'est-ce que tu demandes? Tu pourrais-tu le guess, là, tu sais? Oui. Peut-être, là, c'était un gosse de riche. Oui, je demande un Jaguar. C'est oui. Mais en tout cas, ça, c'était pas évident pour ça non plus, là. Puis, bon, quoi d'autre? Ben, le Sega Saturn, le PlayStation est arrivé, genre, l'année oui. d'après. Fait que ça, avec, ça a fait mal, là. Surtout, dans le fond, c'est PlayStation qui a gagné. Oui. Raflé, là. T'es sûr? Ben, j'ai vu que là-dessus, il y a eu aussi, il y a eu Dragon's Lair. Il y a eu un Mortal Kombat. Il y a eu un Mortal Kombat. Il y a eu un jeu de fighting vraiment dégueulasse, là. Dégueulasse, là. Dont justement le Angry Video Game. C'était pas Virtua Fighter? Non, ça ressemblait pas, à ça. Un nom, là, c'était un autre. C'était, okay. C'était précis pour la Jaguar. Là. Ok. Au même titre qu'un Eternal Champion pour la Genesis. Là. Ok. Puis, mais il y a eu Rayman. Le premier jeu de Rayman est sorti sur la Jaguar. Ah oh, ouais? Puis, c'était le premier des premiers. Mais une semaine plus tard, il est sorti sur le PlayStation aussi. Mais quand on parle de l'original, c'était sur la Jaguar. Okay. Mais il manquait des affaires parce que la Jaguar avait un autre très gros problème. Elle fonctionnait avec des cartouches, des cassettes. Ah, elle marchait pas avec des CD. Oui. Fait que ça limitait beaucoup ça. C'était une grosse erreur. Les cartouches. Fait que... Cartouches, man. Les cartouches, man. Fait que la musique était moins bonne. Il enlevait des éléments dans le background, tu sais, de Rayman. Si tu compares les deux, ouais. Que ça fit, tu sais, sa cassette. Donc, ça enlevait, ça enlève du power, ouais, ça enlève sûr, du hein? potentiel. Puis un autre problème aussi, la manette était vraiment dégueulasse, là. Un espèce de gros clavier là-dessus. Ah oui, puis, c'était pas beau ça. Ouais, non, c'était pas beau. Ouais. Puis le monde se plaignait que c'était compliqué, qu'ils comprenaient pas. Puis le clavier servait presque jamais. Quand il servait, c'était. Ça savait pas où peser, là, tu sais. Des bonnes petites manettes à clavier, une marbre, là. Ah oui, ça sert à rien, hey, ça. Eh boy, je sais pas qui a eu l'idée de ça, là. Hey, je sais pas si ça t'intéresse, mais j'ai une super bonne liste de jeux de la Jaguar. C'est ça, il y a plein de titres là-dedans que je regarde, je me dis, crime, c'est des jeux qu'on connaît quand même. Oh, il y en a plusieurs qu'on connaît, là. Garde, rapidement, là, Alien vs. Predator, Atari Karts, Attack of the Mutant Penguins, Wash, ah ouais, ça, c'est drôle. Baldi's, oui. Battle Morph, Battle Sphere, Blue Lightning, Breakout 2000, Brutal Sport Football. Ça. Je veux t'arrêter une seconde avec Breakout 2000. Oui. Atari, ils ont fait des choses. Ils ont ressorti leur classique en écrivant 2000 à la fin. Donc, il y a Breakout 2000, Defender 2000, puis Tempest 2000, wow. Entre autres. Il y en a peut-être d'autres. C'était tout pas bon. Ouais, je viens de les sauf voir. Sauf Tempest 2000, il était bon, lui. Il était bon, lui. Ouais. C'était un bon jeu d'arcade, ça, Tempest, puis ils l'ont bien réussi, là, sur la Jaguar, ça. C'est le seul qui vaudrait la peine, là, je pense. Fait que check. On suit Bubsy. Cannon Fodder, très bon jeu, hein, franchement. Checkered Flag, Club Drive, Cybermorph, Defender 2000, ouais. Doom, Dragon's Lair, Evolution Dino Dudes, Fight for Life. Fight for Life? Ouais. Ah, c'est peut-être ça le c'est jeu. C'est peut-être ça le jeu que tu me parles. Ouais. Flashback, excellent jeu. Oh, ouais. Islander, Overstrike. Flashback, excellent jeu, oui. Mais peut-être que là-dessus. Peut-être que là-dessus, cochonné. C'était pas terrible. Ouais, ouais, c'est ça. Overstrike, qui était un super bon jeu d'hélicoptère, il me semble. Ah, c'était cool, ça. Ouais, ouais. Hyperforce, Iron Soldier, Kazumi Ninja, Myst? Myst était ah, ouais. là-dessus. NBA Jam Tournament Edition. Oh, wow. Était là-dessus. Pinball Fantasies, Pitfall The Mayan Adventure. Ouais, fait ça, que, ça, Pitfall, joué, la nouvelle version. Moi, j'avais joué sur Super Nintendo. Bon? Ouais. Pas terrible. Ça avait de l'air beau, mais... Protector Special Edition, Raiden. Ça, c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est super bon, ça. C'est un bon super shooter. Bon, ça. Ouais, ouais. Rayman, Runer Pinball, Skyhammer, Super Burnout, Supercross 3D, Tempest 2000, Theme Park, Trevor McFerrin and the Crescent Galaxy, Troy Aikman NFL Football, puis Ultra. Ultra? Ultra. C'est comme tu achètes c'est pas un jeu, t'appelles ça super. Ultra. Ultra. Oh boy. Ouais, fait que c'était plusieurs. Mais quand même, je suis surpris, tu sais, il y a quand même eu des hits là-dessus. Hits, que ça sonne bien. C'était probablement lu, en fin j'ai de. J'ai lu des critiques, beaucoup de critiques sur tous ces jeux-là, sur un site Video Game Critic. OK. Puis la plupart, là, il y en a très peu qui sont bien cotés. Là. Ouais. Très peu. Là, je sais pas si c'est plus. C'est un bon site, là, pareil, je trouve. Mm-hmm. Actuellement, je suis d'accord. Mais effectivement, je pense que la console, la façon dont les jeux devaient être montés, les titres sont gros. Mais je suis sûr que c'est mal fait. Le rendu ça pas doit bon, se contrôler ouais. mal, tu sais. Le rendu doit être net parce que c'est en cartouche, tu sais. Oh, en tout cas, faudrait c'est voir. Même pas du vrai 64. C'est même pas du vrai. Faudrait en acheter une pour le savoir. Puis ouais, vraiment, pour en acheter une, écoute, c'est entre 100 et 150$ sur encore? eBay. Encore. Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Écoute, qu'est-ce que j'ai ici comme stats? Ouais, l'autre fois, tu m'avais dit combien qu'il y en avait produit, puis ça me semble. Ils en ont fait du début 1993 jusqu'à la fin 1995. Ils en ont vendu 125 000. Ben, tu sais, imagine. 125 000, ils vendent des 3DS, ils en vendent 10 millions à chaque mois. Puis, à la fin de 1995, Atari était pogné avec un autre 100 000 unités invendues. Donc, on peut dire qu'il y en a eu 225 000 au total. Donc, c'est pas beaucoup, là. C'est pour ça que ça coûte plus cher, là, comme console rétro. Mais ça me surprend, parce que c'est pas si pire que ça, là. Tu sais, 3DO, ça coûte là, vraiment plus cher que ça, là. Oui. Fait que c'est pas si pire. Mais, quoi d'autre? Ben, attends, je regarde les stats, là. Ah, j'en ai pas d'autres. Mais tu sais, Atari, c'est ça, ils croyaient vraiment fort là, à ça. Puis, ils ont même fait un... L'Atari Jaguar CD en 1995. Oui, c'est vrai. Ils ont mis full de cash là-dedans, puis ça a crashé, puis ça allait pas marcher. Ça a tué Atari. Ça a été la dernière console que Atari a fait, à part les Atari Flashback là, qui existent aujourd'hui. Là. Oui. Donc, c'est un peu dommage. Ça. Puis d'ailleurs, il y a eu une annonce d'Atari cette semaine. Là. J'en ai parlé sur Twitter. T'sais, j'étais comme semi-excité, je me disais, ça arrivera jamais, mais mettons qu'Atari se relance dans la course aux consoles, ça serait assez hot. Ben non, cœur, hein? Finalement, c'était juste un concours pour développer une application de c'est pas pour de développer un nouveau Pong, ouais, c'est ouais, ça. Développer un nouveau Pong. Fait que là, le gagnant, il gagne genre 1000$. Ça, c'est de la merde. Parce que le gagnant, hey, c'est de la merde, ils vont faire plein d'argent avec son jeu. Et eux autres, ils vont avoir genre 25... Ils vont avoir 1000 maquettes, tu sais, gratuites, là, de genre qu'est-ce que le jeu devrait être. Ça, ils vont ça, payer allô. Ça 1000$. Ça moi, ces sens. Concours-là, je trouve tellement que c'est de la crosse. Là. Personne ne devrait participer à ça. Non, c'est sûr. Mais en tout cas. Mais bon, sur une note plus positive, il y a encore du monde qui produisent des homebrew games pour la Jaguar. Ça, je trouve ça, moi, fantastique. Ah oui. C'est tellement hot. Puis, on parlait de VVV, tu sais. Ça devrait être fait, ça, pour le Commodore 64. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a un jeu qui a été fait pour ça, un jeu portable. C'est quoi le titre déjà? Cannabalt. Cannabalt, c'est ça. Oui. Ils l'ont fait pour le Commodore. Tu peux l'acheter. Oui. Un vrai package là, de cassettes, là, tu sais. Puis tu joues sur ton Commodore 64. C'est vraiment cool. Ça, c'est trop cool. Puis, tu as vu la nouvelle cette semaine aussi. Il y a un jeu. Qui va être produit en 2013 pour le Super Nintendo. Exact. Ça s'appelle Nightmare Busters. Puis c'est une compagnie qui s'appelle Super Fighter Team. Puis, c'est une compagnie qui croit vraiment au rétro. Ils disent genre, eux autres, là, ils sont dedicated au rétro. Oui. Les vieilles consoles, il y en a des bonnes, puis ça mérite qu'on fasse des jeux dessus encore. C'est très cool, ça. C'est très cool, c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Donc, Nightmare Busters, vous pouvez le précommander maintenant. Il y en a 600 copies. Ça coûte 68$. C'est quand même cher, mais il y en a 600 copies. Il n'y en aura pas beaucoup, là, tu sais. Hey, imagine jeu que le jeu, c'est un navet violent, là. Ben, ils disent que ça va être un run and gun. Okay. On n'en sait pas plus. Parce que ça peut être un run and gun très simple, comme les jeux mauvais, iOS à 99 sous. Puis là, tu te dis comme, ouais, c'est ça, 70$ plus shipping. Tu m'es revenu à 90$ pour ma cassette de SNES. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, il va-tu en avoir d'autres compagnies qui vont le faire, tu sais. Ouais. Ça peut être très cool. Ouais, non, côté c'est... valeur. Côté je trouve ça vraiment cool, mais c'est parce que c'est ça. Collection. Exact. Vraiment. Là. Parce que c'est... Ça doit coûter cher de production faire ça. Très cher. C'est ça qui est drôle. Tu sais, tu te dis c'est vieux, mais ça doit coûter quasiment plus cher à cause de ça. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, j'aurais tellement aimé que Capcom le fasse avec Mega Man 9 puis Mega Man 10. Ils ont tout fait le package. La cassette de NES était faite. Ça venait dans une boîte avec du vrai artwork rétro. avec tout le kit. Puis dans la cassette qui s'ouvrait, il y avait un CD, man. Ouais. Oh, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement écœuré, là. Ça serait quoi de faire une motherboard et de mettre ça dans la cassette, tu sais? Ouais. Puis qu'on puisse jouer sur le NES. T'sais. T'es Capcom, là, t'es big, là. Même si tu perds de l'argent en le faisant, fais donc plaisir au monde. On va jouer au Nintendo, à Mega Man 9, t'sais. Tant d'années plus tard. T'sais. Mais non, ah, Capcom. Ils veulent plus, c'est fini. Ils veulent plus. Ils ont arrêté de croire, c'est triste. Ouais, c'est clair. La discussion. Fait que aujourd'hui on parle de, écoute, on parle de la PS Vita versus la 3DS parce que la PS Vita vient de sortir, fait que c'est inévitable. Ouais, faut le faire. Faut aller en parler encore, question d'en parler encore plus. Mais parlons-en ensemble. Et ouais, c'est un nouveau bébé. Mais on va aller faire un tour sur Twitter. Ouais. Sur Twitter, il y a du monde qui nous ont écrit à propos du sujet. Ouais, c'est ça. On a lancé l'appel avant le show. Puis il y a Alexandre Armon, par Alex89, qui nous dit présent. On avait demandé au monde laquelle vous préférez. Oui, c'est ça. Puis Alexandre Armon nous dit: présentement, je suis fier de ma 3DS. J'ai testé la Vita et je souhaite simplement qu'elle puisse avoir du succès. Ah, ben c'est bon. Ouvert d'esprit. Nicolas Béverge qui dit: Vita jusqu'au bout. La console est superbe, bien plus puissante, deux sticks, tout est là. Y a pas tort. Non. Notre copain Dan Vaillancourt de Fun Jouer Jeu qui dit: je vous salue les gars, j'ai hâte de vous entendre enfin, bon show, je vous love. Ah, on love aussi. On love aussi. Mais sur Papa Cassette, il a écrit: manger de la merde. Manger de la merde. Non. Il a écrit: je suis du côté de la 3DS, Nintendo Power. Ok. Malade. Ah, barnouche. Ok, puis moi, de mon bord, il y a Sébastien Bouchard qui nous a écrit: depuis quelques années, je suis Sony, mais dans mon cœur, il y aura toujours de la place pour Nintendo. Comme beaucoup de gens. Ah ouais, comme beaucoup de gens. Puis il y a aussi le podcast 3 bières, un très bon podcast en passant auquel j'ai fait un passage. Il nous dit un petit salut à la gang de Rétro Nouveau qui enregistre en ce moment. Un sujet pour vous: à quel jeu jouer avec sa blonde pas gameuse? Faudra bien traiter de ça. Ça sera une bonne discussion. Moi, j'ai une blonde pas gameuse. Toi aussi, mais à game quand même. Quand tu lui demandes, elle peut jouer à des affaires. Ouais, exact. Hey, je pense que ça, les gars, ça va être la prochaine discussion. Ouais, ça va être bon. Semaine prochaine, c'est ça qu'on fait. Sur Papa Cassette aussi, il y a Steve Tremblay qui dit: PS Vita pour moi. J'ai les deux consoles et bien que ce soit encore peut-être tout nouveau, tout beau, je préfère ma Vita. Ah. Également Simon Dubois qui nous dit: 3DS, car je trouve que la Vita est trop chère au vu des ventes au Japon, je sens une baisse de prix arriver rapidement. Ah ben là, c'est donc ça. Peut-être. Elle est chère un peu. Ben, ouais. Je suis quand même curieux de voir qu'il y a du monde qui sont très 3DS malgré tout. Moi, j'étais sûr que tout de suite, là, tout le monde allait dire la 3DS. Non, non, mais moi, j'ai remarqué une affaire aussi en même temps. C'est que en parlant avec beaucoup de monde, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont décidé de faire « fuck la Vita », mais à cause qu'ils n'ont pas une scène pour s'en acheter une. Ouais, ça, c'est un facteur très important. Ça, c'est un facteur. Il y a une affaire, moi, là, j'ai un message d'ordre général à passer à tous les gamers qui nous écoutent, là. Ouais. Puis même à ceux-là qui nous écoutent pas. Arrêtez donc de chier sur des produits que vous connaissez pas. Ouais. Je suis un peu tanné de ça, du côté blasé d'Internet, des réseaux sociaux, de gens qui essaient pas quelque chose puis qui vont basher cette chose-là. Comme moi puis Resident Evil. Ouais, comme toi puis Resident Evil, que t'haïs ce que tu connais pas. Ouais, ben je trouve que t'as pas essayé VVV assez, toi non plus, Bruno Jargent. Ben je l'ai essayé quand même. J'ai essayé plus que moi puis Resident Evil. Ouais, exact. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, je trouve ça stupide quand même, tu sais, c'est un côté bête de la nature humaine d'essayer de détruire puis de condamner quelque chose qu'on connaît pas. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu ridicule, puis... C'est drôle parce que c'est un phénomène qui se passe pas seulement avec les jeux vidéo. Je veux dire, ça se passe dans le racisme, c'est un peu ça. L'homophobie, c'est un peu ça. Je veux dire, ça se passe dans plein de sphères de nos vies. Ouais. Fait que quand vous détestez quelque chose, là, connaissez-le solide. T'sais, c'est encore mieux de même. Comme, t'aimes pas ça du je sais pas, mais t'aimes pas ça du country? Ben écoute 2-3 tunes pour être sûr que t'aimes pas ça du country. T'sais. Ouais, c'est ça. Comme ça, après ça, tu vas être vraiment certain. T'sais, comme moi, là, je sens en tabarnak que j'aime pas ça Nickelback, que c'est pourri, ouais, cette band-là. Mais tu sais, c'est parce que j'en ai entendu à la radio, puis je dis ça en connaissance de cause, puis ça tourne pas mal à la musique plus, puis je suis pas mal écœuré de l'entendre. Ouais. Mais tu sais. Tu dis que t'auras jamais un Hyundai? As-tu déjà chauffé un Hyundai? Ça roule bien, un Hyundai. Tu sauras. C'est vrai. Hey, moi, j'ai un Pontiac, même affaire. Ça roule bien. Ça roule bien. Ouais, ben... J'avais des préjugés avant, mais ça roule bien. Ouais, j'avoue, j'ai des préjugés pas mal envers ouais, Pontiac. Ouais, tu veux, Krim. Ouais, je l'ai jamais chauffé. Bon, ouais, en fait, elle roule dans une Pontiac. Faux, j'ai chauffé des Sunfire et c'était de la... Ah. Ouais, de merde, c'est chaud. C'est pourri. Ouais. Ma mère, elle roule en Sunfire. Ah ouais? Trip, mon mon Dieu, elle vit encore sa Sunfire. Ouais. Parce non, que c'est pas longtemps. C'est comme, écoute, elle loue ça, une Sunfire. Puis, elle loue ça. Ça ouais, existe même tu plus. Peux louer des chars. Non, ça existe encore. Ok, je peux sais. Encore louer des chars. Ouais, ben oui, tu peux louer des chars, mais pas des Sunfire. Oui. Où ça? Ça existe encore. Il y a un nouveau modèle de Sunfire. Ah, ça s'appelle plus Sunfire. Non, ça s'appelle plus Sunfire. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est. Que veux-tu? Ben, c'est comme un cavalier puis la cobalt, là. Ouais, c'est ça. C'est ça là. OK. Fait que de retour à Rétro Nouveau. On fera un spécial char un moment donné. Ouais, c'est ça. On va parler de char. Mais c'est ça. C'est juste que je trouve ça stupide. Puis c'est arrivé avec la 3DS. Mm-hmm. C'est arrivé avec toutes les nouvelles consoles. T'sais, la 3DS, la PS Vita, c'est arrivé aussi au début. Il y a avec du monde la Wii aussi. Ouais, la Wii, c'est arrivé aussi. La Wii pour vraiment. Exact. Ouais. Fait que tu sais, je trouve ça stupide. Fait que la PS Vita. Moi, une affaire que je peux dire déjà en partant aussi, c'est un conseil à donner au monde, même affaire avec la 3DS, avant de condamner ou de vous faire une idée avec la console, là, la meilleure façon de se donner une idée, c'est pas de jouer dans un EB Games pendant 10 minutes. Ouais. Quand elle est pluggée sur une espèce de dispositif de sécurité. Tu sais, même affaire quand on va dans des événements Nintendo, non, t'as une espèce de grosse brique en dessous de tout ça pour tenir en place, en sécurité. C'est terrible, ça. T'as aucun feeling de ce que c'est de jouer avec une console portable. Tu joues avec une console portable pour avoir une expérience sans fil, légère, le fun, un trip de liberté. Puis là, je veux dire, on te la bloque là. Puis en même temps, je veux dire, c'est pas... Je trouve les consoles portables, c'est pas comme une manette. Ça prend un certain temps avant de s'habituer, tu sais. T'as une façon d'y tenir qui change, même si pour jouer à un jeu, t'as tiens d'une façon. Ben, en tout cas, un peu avec la DS, la 3DS, dépendamment de si tu utilises le D-pad, ben, il est plus bas. Si tu utilises l'analogue, il est plus haut. Fait que tu tiens pas ta patente de la même façon. Puis tu joues avec le stylet. T'as pas besoin de toucher à rien d'autre que le stylet. Là, t'as tiens par en bas, tu sais. Il y a des jeux de DS qui demandent de tenir sur le côté. Donc, c'est très différent. Mm. C'est clair qu'il y a rien comme d'avoir une entre les mains pour vrai. Là, mais non, c'est certain, là. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui en a, par exemple, là, ce qui est pas nécessairement évident, là, non plus. Faut trouver quelqu'un qui en a, mais moi, regarde, j'avais un chum qui disait la 3DS, c'est une bébelle de bébé, ça, cette affaire-là, tu sais. Ouais. Pendant une soirée, il a joué avec la mienne. Il y en a une. Ah ouais, il s'en a acheté une. Il s'en a acheté une. Fait que, tu sais... Elle est pas chère. Non, elle est pas chère. Puis, tu sais, moi, personnellement, ben franchement, tu sais, si j'avais à faire un comparatif des deux maintenant que j'ai joué pas mal à la Vita, c'est deux expériences différentes. Ben, je trouve. Déjà, en partant, là, c'est deux affaires différentes. Pas tant que ça, en fait, là. L'affaire qui arrive, par contre, c'est que si Sony, un jour, décide que... Il aimerait ça faire des jeux un petit peu plus pour les enfants, un petit peu plus japonais avec des grands yeux puis des platformers de gauche à droite classiques en 2D qui décide de faire le genre de jeu que Nintendo fait. Ouais. À mon avis, Nintendo est fait. C'est ça l'affaire. Ouais. Parce que faudrait que ce soit bon leur jeu pareil. Oui, parce que, faudrait que ce soit attention là. Totalement. Nintendo, mais ils savent les faire ces jeux là en crise. C'est sûr, sauf que si tu regardes les développeurs qui travaillent pour Nintendo, c'est des développeurs qui peuvent travailler aussi de l'autre bord, tu sais. Mais pourquoi Nintendo serait faite, je veux dire Ben dans le sens que Nintendo, égal à égal, tu sais. La grosse accroche que Nintendo a, à mon avis, d'ordre complètement général, c'est leur jeu à eux autres, les jeux à Nintendo. OK, toi tu veux dire qu'ils feraient des jeux comme Nintendo en plus de faire les jeux qui en plus des jeux qu'ils font présentement. Ah non, mettons, là, tu sais, tu peux jouer à God of War, puis après ça, tu peux jouer à un jeu qui ressemble à Mario Bros. Mm-hmm. Tu sais? Sur la même console. Parce Ils font pas. Parce que c'est possible de le faire. T'sais, c'est ça l'affaire. C'est, fait que je sais pas pourquoi ils le font pas, mais moi, je sauterais sur l'occasion là, demain matin de faire des jeux comme ça. Je sais qu'ils s'adressent à un public plus hardcore, plus adulte. Tu sais, Rayman, c'est ça, en fait, là, un peu. Oui, Rayman, c'est un peu ça, mais encore là, c'est pas assez japonais, tu sais. Nintendo a comme un trip japonais qui est pas assez utilisé sur les consoles de Sony, puis même sur la 360. T'sais. Nintendo ont vraiment leur style précis à eux autres. T'sais, des jeux comme Rhythm Heaven, tu retrouves pas ça sur les consoles de Sony. Tu vas retrouver genre un comparatif de jeux de rythme. Mettons, tu vas jouer à Parappa the Rapper, mais Parappa the Rapper, c'est pas Rhythm Heaven, c'est pas Muscle March, admettons, espèce de jeu weird qu'il y avait eu sur WiiWare, tu sais. Les jeux what the fuck, il y en a pas tant que ça non plus, tu sais. À part là, présentement, je joue à Katamari Damacy sur la Vita. Ça, on peut dire que c'est un jeu qui est à la Nintendo quand même, tu sais. Ça ressemble aux jeux qu'ils font. Mais il n'y en a pas assez des jeux comme ça. Puis mon point avec ça, c'est que la Vita, elle a tout. La seule affaire qu'elle a pas, c'est la 3D. Parce que non, elle n'a pas deux écrans, mais elle a un écran qui est plus gros en surface que les deux écrans combinés de la 3DS. Puis en plus de ça, la résolution est tellement incroyable qu'elle peut facilement faire compétition à la PS3 et la 360. Ouais. Tandis que la 3DS, je veux dire, tu ne peux pas faire compétition avec une machine next-gen. Tu joues avec la 3DS à cause que tu recherches une certaine expérience que tu retrouves seulement sur la 3DS. Ouais. Mais tu sais, si je te disais là, que demain matin, là, tous tes jeux que tu aimes sur ta 3DS et ta DS se retrouvent sur la Vita, en tant que consommateur, qu'est-ce qui te pousse à acheter plus une 3DS qu'une Vita? C'est ça que je me demande, tu sais. Ben, pas que ça va arriver demain matin, mais tu sais. Moi, de tout ce que je vois de ça, c'est le prix. Mm-hmm. Tu sais, là, moi, j'ai acheté une 3DS parce que c'était pas cher. À 250$, là, comme au début, là, jamais que j'aurais acheté ça, tu sais. OK. Puis, c'est pas tout le monde qui peut s'acheter les deux, tu sais. C'est ça le problème, c'est qu'on les met on les met une face à l'autre parce que c'est le monde du portable. Oui. Mais il y en a une qui est tellement moins chère que l'autre que je trouve que c'est ça qui fait toute la différence. Tu sais, les enfants là, qui demandent des consoles portables à Noël, là, tu sais, un cadeau de 250$ plus une carte mémoire plus un jeu, là, t'es rendu à 400$. Là. Oui. On s'entend-tu que tout de suite, avoir une console à 160 plus un jeu plus Mario, mettons, t'as 200$ puis ton enfant, il est all set, là, tu sais, puis il va jouer à Mario, tu sais. C'est clair que, puis il n'y a pas juste les enfants non plus. Là, ça fait une grosse, grosse différence. Là. Moi, je fais de l'argent, je m'achète ce que je veux dans la vie, tu sais. Puis, je m'achèterais pas une Vita, c'est trop cher, tu sais. Je trouve ça trop cher. Un starter kit, c'est 400$, un jeu. Non, c'est pas 400$. Là, tu pousses, par exemple. La carte mémoire, là, elle coûte 19,99. La 19,99, dans le vidéo que tu as mis sur le blog, à ce qui paraît, tu peux rien foutre avec ça parce que ça contient pas assez de mémoire. Non, mais t'achètes l'autre. Tu peux en mettre. Ben, franchement, tu peux en mettre. Moi, j'ai la 4 gigs présentement. Ouais. Puis je vis très bien ma vie, là. Tout va bien. J'ai personne qui est mort. Puis, bon. Tu sais, je veux dire, tu peux vivre avec le starter kit ou tu peux partir comme un mongol puis te dire que ça coûte trop cher. Puis tu peux facilement te retrouver là avec un kit de 500$, ça se trouve. Mais tu peux vivre aussi avec un kit de 300$. C'est-à-dire la console. Ben non, à 300$. Oui, oui. C'est-à-dire la console est 250$ tout seul. La console est 249. Après ça, t'as 250$. Ta carte. Oui, 250$. Un jeu, après c'est 40$. T'as déjà à 2,90. Là, t'as besoin d'une carte plus taxe. 20$. Ta carte 20$, t'es à 310$. Oui, t'es à 310$. Plus taxe. Mais ça te revient à 310$. Par contre, l'expérience que t'as, c'est la même expérience qu'une PS3. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dis que c'est deux affaires différentes aussi. Là, tu veux-tu une expérience next-gen ou tu veux juste une console portable pour triper. Mm-hmm. Si tu veux juste une console portable pour triper, pas cher, ben, ou que tu es un enfant puis que tu tripes pas sur la 3DS, achète une PSP. Ouais. Tu sais, c'est vrai, c'est fait pour non, ça. C'est ça. La librairie si tu veux jouer est énorme. Comme PlayStation, t'achètes ça. Oui, parce que la PSP est 100$. Puis tu peux en avoir une usagée. Une PSP, là. T'as dit. Oui, ouais, ouais, une PSP. Ouais. Une PSP, tu peux en avoir une usagée là, pour 50-70. Les enfants. Les enfants. Ouais, mais tu sais, les enfants, ils veulent aussi le dernier truc. Oui, c'est sûr, mais c'est certain. Mais la PS Vita, au départ, c'est comme quand ta mère t'avait acheté un Atari, tu sais, alors que Nintendo venait sortir, ils vendaient encore des Atari. Tu sais. Oui, mais la PS Vita, en même temps, je pense pas que c'est le public qu'on cherche à aller chercher. Ben, franchement, je pense pas qu'on essaie d'aller chercher les enfants avec ça. C'est ça la différence. La même affaire que la PSP Go. Là. Quand ils sont allés faire la PSP Go, ils voulaient pas aller chercher les enfants. Ils voulaient aller chercher les zélés finis comme moi qui veulent une console next-gen, qui veulent quelque chose de plus raffiné. T'sais. Mais la PSP continue à vivre en parallèle avec la PS Vita. Ils font plus de jeux, mais elle continue à vivre en parallèle. Ouais. Puis elle continue à vendre. Les ventes sont excellentes pour la PSP. Elles sont même surprenantes. Ouais. Sont super bonnes. C'est une console qui fonctionne encore super bien. Aujourd'hui, j'en parlais encore avec Tristan tantôt. Okay. Il me disait non, la PSP, ils lâcheront pas ça. Ça marche. Ça fonctionne, la PSP. Fait que, tu sais, je me dis. En même temps, c'est le graphisme. On achète du graphisme next-gen. On achète une expérience, mais tu sais, check, moi, il n'y a qu'un exemple. Il y a du monde pour qui c'est très important. Ça. Oui. Il y a du monde pour qui, comme moi, mettons, je suis pas si grand-père que ça. Là. J'apprécie fortement les belles choses et le next-gen. Mais moi, j'ai vraiment pas de problème à jouer à des affaires qui sont pas belles, tu sais, ou qui sont moins belles, ou qui sont pas considérées comme le top-notch de ce qui se fait présentement, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, trouve qu'on peut trouver son compte quand même assez facilement sur la 3DS côté jeu le fun. Là. Mais non, mais côté attention. Uncharted, là. C'est le fun. Mais Uncharted, c'est crissement fucking beau, tu sais. Ouais. Et c'est ça qui pèse très fort dans la balance. Là. C'est sûr et certain, tu sais. C'est mais sûr, tu peux jouer sûr. À d'autres choses qu'Uncharted, tu sais, qui est aussi le fun, c'est la 3DS, mettons, mais tu sais, ça va être moins beau. Genre. Ah, mais c'est ça, tu sais, c'est comme t'es graphiste. Est-ce que tu apprécierais que je te dise que tu peux faire tout ce que tu veux là, sur ton ordinateur, sauf que je te donne Photoshop 2? Ça va être moins beau, mais ça va fonctionner. T'sais, c'est un peu le même principe. C'est que t'sais, ça fonctionne, puis c'est aussi le fun, mais tu n'as pas le même fini. Fait qu'au final, tu veux le, tu ben, veux le meilleur fun sur fini. Photoshop. Là, ouais, fait. C'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, dans le fond, puis c'est la même affaire. Mettons, là, check, un exemple plus concret. Là. T'sais, tu peux regarder, admettons, là, on va prendre un exemple qui appelle tout le monde. Là. Tu peux regarder Avatar sur une TV 4.3, sur un DVD ben, ou sur une copie cheap. J'ai pas vu ce film-là. Non, moi, je l'ai pas vu puis je veux pas le voir. Overrated, justement, parce que c'est fou. Oui, t'sais. Exact. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux l'écouter, puis même moi, là, j'en parle, je l'ai pas écouté, puis ça m'intéresse pas, ce film-là. Mais ça intéresse une tonne de monde. Mm-hmm. J'ai l'impression que quelqu'un qui va l'écouter sur une TV, il y a des gens qui vont être capables de l'écouter sur une TV normale, 4.3, 13 pouces, ça se trouve, puis l'apprécier. Pourtant, la majeure partie des gens vont dire « Tu peux pas apprécier ce film-là si tu l'as pas vu en 3D sur un écran géant. » Ça veut dire que c'est pas un film qui est si hot que ça, puis qui est hot rien qu'à cause de la technologie qui est en arrière. Ouais. Ce qui, je trouve, est un petit peu le cas de la Vita, tu sais. Mais non, pas vraiment. Parce que tu peux dire, va voir Avatar au cinéma 3D de malade de fou, puis va voir Memento sur une télé noir et blanc dans mon sous-sol. Oui. Je pense que Memento va être meilleur qu'Avatar sur ta grosse TV, tu comprends? Un bon jeu, tu sais, qui est pas full de HD puis tout de tout. Oui. C'est meilleur qu'un jeu qui est full HD de tout et qui est pas si hot. Je suis pas en train de dire qu'Uncharted est pas si hot. Oui. Mais tu comprends? Mais moi, de toute façon, c'est l'important, c'est que les un jeux bon soient jeu. Bons. C'est ça, exactement. C'est ça, j'allais dire. T'sais, comme moi, regarde, tantôt, on parlait de Mutant Mods. Ouais. Mutant Mods, là, c'est un jeu qui a été, qui aurait été, qui pourrait se faire, tu sais, sur une montre. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tellement cheap. Ouais, tu peux faire ça sur n'importe quelle plateforme, mais le gameplay est débile. Mais c'est ça, au final, qui est important. C'est ça. Sauf qu'en même temps, à un moment donné, pour certains joueurs, entre autres moi, ouais, ça vient me chercher. Comme sur 3DS, là, les jeux de Game Boy en monochrome, là, ouais, ben, je suis plus capable. Man. Ah non, t'es plus capable. Vraiment plus capable. Moi, j'ai ça, puis là, je suis comme... Je sais pas, j'ai pas d'intérêt. Je le regarde, je suis comme, fuck, je veux juste que ça soit en couleur. Tu sais, c'est... Je suis tanné, je trouve que ça a comme pas... Ça a pas de saveur. C'est, tu sais, c'est... Je veux plus que ça, même si mon plus que je veux, c'est juste un jeu de Nintendo. Hein. Je veux juste que ça soit en couleur, mais tu sais, il y a comme un minimum, à mon avis, à avoir pour que ça soit intéressant. L'affaire qui arrive avec la Vita, là, moi, je te pose la question direct de même. Là, Vanquish, t'as trippé. Aimerais-tu ça, jouer dans le boss à Vanquish? Ben, tu penses que ça serait dur, mais oui. Non, mais c'est ça, serait c'est ça qui est cool. Moi, c'est plus c'est ce côté-là que je trouve intéressant de Ça, c'est clair. De me dire, admettons, là, tu sais, OK, regarde, man, je t'offre deux machines. Celle-là, elle fait tout. Celle-là, elle fait 50% des affaires. C'est sûr, je vais vouloir la machine qui fait tout. Rendu à l'âge que j'ai, là, je veux la machine qui fait tout. Ouais, tu sais, je pourrais décider. Non, mais je pourrais décider d'avoir un cellulaire cheap flip, puis je décide d'avoir un iPhone parce que je veux la machine qui fait tout. Ouais, mais là, elle fait. Tu sais, on est rendu là. C'est différent, là, ça, là. Mais l'affaire entre les deux consoles, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes jeux. Pourquoi Mutant Mods? Bon, là, c'est Nintendo l'a acheté, mais mettons, là. Oui. Pourquoi ça serait pas sa Vita, tu sais? Ben, ça pourrait être sur la Vita, mais il y a des affaires comme ça qui se retrouvent, qui vont se retrouver. Sur la Vita, comme les mini, c'est des jeux qui se retrouvent sur PC, sur 360, puis qui se retrouvent sur la PSP ou la PS Vita. OK. Puis ces jeux-là, c'est des jeux qui pourraient facilement être des jeux de Nintendo, là, tu sais, comme c'est quoi dans le jeu. Mais des jeux run and gun, des trucs de même, plein là-dessus, tu sais. C'est des jeux qui existent, seulement une affaire qui fonctionne moins bien pour Sony que pour Nintendo. Puis ça, je trouve ça fort de dire ça, là, parce que j'aime pas vraiment le 3DS Shop, là, le eShop. Ouais. Je l'aime pas, je le trouve poche. Sauf que, il est encore là, il est un peu meilleur que le PlayStation Network sur la PS Vita, parce que quand tu veux acheter un jeu... si tu sais pas c'est quoi ce jeu-là, là, faut que tu fermes ta PS Vita pis t'ailles voir sur ton ordinateur. Ouais. T'as pas moyen de voir une vidéo ou des images du jeu. Le eShop, il est bon pour ça. Le eShop, il est bon pour ça. Il catégorise tout le temps. C'est la seule affaire, je peux dire, de bonne. Moi, je le sais, j'y pensais ce matin en marchant. C'est qu'il te donne tout le temps l'impression qu'il y a de la nouveauté. Ouais. Parce qu'il change tout le temps des catégories puis il invente des trucs. Tout change de place, tout le temps. Ça change de place continuellement. Tu sais, c'est comme jeu avec un bonhomme qui a une moustache. Oh yeah! Là, ils mettent une petite icône de grosse moustache. Ouais. Là, c'est ça. Tu sais, c'est n'importe quoi. Mais je trouve là, que ça t'sais. Masque le fait qu'il n'y a pas des jeux qui sortent si souvent que ça. Non. Sur la virtuelle console de Wii, sur le store de Wii Store, finalement, tu voyais tout de suite qu'est-ce qui sortait parce qu'il te l'affichait immédiatement, tu sais. Mm-hmm. Puis là, tu voyais qu'il sortait pas grand-chose, justement. Oui. Alors là, avec la eShop, je pense qu'ils ont trouvé une façon de masquer le fait qu'il sort presque rien. Regarde, là. C'est ça l'affaire. Là. Mais c'est ça qui est plate aussi avec la 3DS. Moi, c'est une console que j'aime, tu sais. Puis je l'ai pas... j'ai pas fait comme Joël Martel. Ben, je l'ai pas vendu pour m'acheter une Vita. Mais... C'est vrai que depuis que j'ai ma Vita, j'ai délaissé quand même pas normal, mal ma 3DS, puis c'est normal parce que c'est une nouvelle console. Mm-hmm. Par contre, dans deux semaines, je fais la critique de Tekken sur 3DS, tu sais. Ben ça, ce jeu-là, il était très beau, là. Mais c'est ça, mais j'ai commencé à jouer à ça, puis je joue à des jeux de fighting sur ma Vita, puis là, je fais comme, ouais, tu sais, avoir le choix... Tu sais, c'est ça l'affaire. Elle est capable, la 3DS, de faire des belles choses. Non, mais c'est ça. Elle est capable, mais je pense que, tu sais, t'es mieux de t'en tenir à ce que tu fais de mieux, mm-hmm. puis de laisser les jeux qui font plus next-gen puis qui ont besoin vraiment de puissance graphique aux autres. Tu sais, ça fonctionne mieux Nintendo pour les autres. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'ils sont des mange-marde parce qu'ils ont juste des jeux de tapette. Qu'est-ce que tu prends, ça? Non, mais c'est ça, pareil. Rien contre les gays, là, excusez-moi. Nintendo, avec la Wii U, là, ils veulent du Ninja Gaiden, ils veulent du stock. Il faut que ça commence à saigner quelque c'est part. C'est correct. Ça le fait avec Metal Gear, puis Resident Evil, puis Tekken, tu sais. Mais c'est bien correct, c'est juste que maintenant, moi, maintenant que j'ai les deux consoles dans les mains, tu sais, si j'avais juste la 3DS, je dirais tout de suite comme « Ah, ben c'est cool, je l'ai sur ma 3DS, je peux jouer sur ma 3DS. » Mais là, maintenant que j'ai les deux, sûr et certain, c'est clair que les jeux qui sont sur les deux... dire que c'est mieux fait, ça, Vita, tu sais. Exact. Ben, puis ça va être vrai aussi, sûrement. Oui, ben, c'est la même affaire pour les jeux next-gen, tu sais. Quand j'ai le choix pas de l'acheter pour la 3DS... Ou la. Genre, il y a un bout que le choix c'était DS, Wii, PS3, 360. Ah, voilà. Puis là, tu disais c'est comme que... DS, impossible. Impossible, c'est un autre jeu complètement. Oui, pas sûr. Tu sais, c'est comme, regarde, Modern Warfare. M'as-tu acheté Modern Warfare sur la DS, même s'il se fait? Non. Non. Vraiment c'est pas. Sûr que non. La Wii, non, pas vraiment. Je sais que c'est comme, il y a un handicap. Je vais l'acheter sur les deux autres consoles. Ah, tu l'achètes pas sa console handicapée qui était la Wii, effectivement. C'est ça. Fait que tu sais, c'est juste ça. C'est juste ce point-là que je suis comme... Fuck, tu sais. Puis la 3DS, le deuxième joystick, je m'excuse, mais c'est un méga problème. Ouais. On n'avait pas maintenant parlé qu'on encore, l'a essayé, ça, là... Ouais. Tu sais, ça fonctionne super bien. Puis tu le vois, là. Tu le vois vraiment, là, que Nintendo... Faites une gaffe, là. Il y a de quoi qui fonctionne pas. Puis, tu sais, j'ai ouï dire que le joystick existe depuis longtemps, le deuxième joystick. Okay. Il sort maintenant, mais ça fait un méchant bout que c'est dans les plans de sortir ça. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, voyons donc, dans le développement, ça aurait été le fun de faire mettre un deuxième. Puis, connaissant Nintendo avec leur façon de sortir et ressortir et ressortir et ressortir des nouvelles versions de leur console portable, j'ai comme l'impression qu'on va en avoir une nouvelle 3DS, puis c'est là que je me sens comme volé, plus que avec ma Vita, ben, que si je me dis comme, regarde, ben, final, l'affaire qui m'énerve, PSP, ouais, il y en a eu trois, bon, puis les trois, ouais, totalement, mais les trois versions de PSP, ben raide. Ben oui, parce que tu sais, tu t'achètes une console, tu te dis que ce serait le fun que ce soit la version définitive. Non, c'est jamais la version définitive, même les consoles maison, là, tu sais. Ah oui, mais tu sais, l'affaire par contre, c'est que tu peux jouer au jeu même si tu n'as pas la dernière affaire. Tu sais, comme la PSP, il y a eu la 1000, la 2000, la 3000 puis la PSP Go. OK. La 1000 était plus grosse, plus épaisse. La 2000 était moins grosse puis la 3000 était encore moins grosse puis le loading était plus rapide. Mais toutes les fonctionnalités étaient les mêmes. C'était la même affaire, même machine. Fait que tu sais, veux pas, je peux pas dire que c'est une si grande différence que ça. La DS, ils ont décidé de sortir la DS. Après ça, ils ont sorti la DSi. Fait que les gens qui avaient la DS pouvaient pas aller sur Internet pour aller chercher les jeux avec DSiWare. Mais je pense que la DS était quand même assez en avance dans le monde... portable, là, non? Je veux dire, il n'y avait rien d'autre autour de ça, là. Ouais, ils sont allés online. La DSi est sortie en même temps que la PSP? Non, elle est sortie en même temps que la PSP. Peut-être même un petit peu avant. Je veux dire, on peut peut-être pardonner le fait d'avoir... Tu sais, ils ont inventé la DS, là, avec un stylet, là. Ce qui n'est pas rien. Une couple d'années plus tard, ben là, pas 5 ans plus tard non plus, là, ils ont fait que ça, on va online, puis qu'il y a des gens qui développent des jeux en download. Tu sais, là, je peux comprendre que la console change pour ça. Hey man, moi, ça m'a fait chier. J'ai acheté une DS Lite. Après ça, la DSi est sortie. Ouais, là, j'ai pogné une DSi. Je sais pas pourquoi t'as acheté une DS Lite. Ben, parce qu'elle était dégueulasse, la première DS. La première était dégueulasse. Elle était épouvantable. La deuxième est bien correcte. La DS Lite était super belle. Fait que là, j'ai acheté une DS Lite. Après ça, hey, dude, si tu veux jouer à nos beaux petits jeux qui sont super merveilleux, ben, faut que t'aies une DSi. Fait que là, achète une DSi. Ben, toi, t'achètes tout, par exemple, faut le dire. Pis, là, moi, j'ai skippé cette phase-là. Non, c'est sûr. Puis je suis passé de DS à 3DS, par exemple. Je me suis pas fait fourrer là-dessus. Mais, tu sais, comme je joue longtemps à mes affaires, ce qui n'est pas le cas de nécessairement tout le monde, là, justement. Mais comme, si tu apprends demain matin, là, mettons, là, oh, si ouais, tu apprends si j'attends demain qu'il y a une 3DS qui sort là, meilleur, que la batterie dure plus longtemps, puis qu'il y a un deuxième stick, tu sais, c'est clair que je vais être fâché. C'est sûr. On va avoir toute raison de l'être. Là, c'est sûr que ça va arriver. C'est inévitable, là. Je veux dire, tu sais. Tout le monde l'a essayé, le deuxième joystick. Ben, tout le monde. Ça aurait été. Tous les gens qui ont essayé le deuxième joystick sont d'avis que ça, c'est mieux. Vraiment pourri. Vraiment mal calculé. C'est ça. Vraiment maladroit. En fait, la 3DS, c'est maladroit depuis le début. T'sais. Oui. Trop cher, t'sais, pas de jeu. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi, là. Attends. Puis même, moi, c'est la façon aussi de traiter les fans. Mais franchement, tu sais, le programme des ambassadeurs, c'est bien cool. Mais pourquoi, tu sais, il y a un manque de jeux flagrant, là. Pourquoi ne pas sortir les jeux qu'ils ont donnés aux ambassadeurs? Faites-les payer. Mais sortez-les sur votre shop. Ben là, ils ont sorti Mario Bros. Mais oui, mais c'est ça. Un au compte-goutte, Mario Bros, le jeu que tout le monde peut jouer sur son browser, tu sais. Ouais. C'est triste. Ben, c'est super long. Là, Colin, c'est long, là, compte-goutte, tout le temps, tu sais. Non, ouais. ouais. Je me dis... Tu vois que l'autre compagnie, ils sortent de quoi de gros, là, ils font un gros boom. Toi aussi, faisant un boom. Mm. Le jour du lancement de la PS Vita, Reggie a dit « Hey, on a des grosses nouvelles pour tout le monde. » Ah, Reggie. « Hey, man, c'est gros, c'est ton préféré ouais, en plus. » Mais tu sais, ces grosses nouvelles, là, c'était des vidéos d'affaires qu'on avait vues des centaines de fois. Kid Icarus qui nous présente le stand puis qui nous dit à quel point ils sont heureux de nous présenter le multijoueur qui est, en passant, vraiment ordinaire. Ouais. Puis, en plus de ça, l'autre grosse nouvelle que de The Last Story puis Xenoblade Chronicles va sortir pour la Wii, tu sais. Oui! Oh, tu sais, moi, je me suis dit, ils vont dire une affaire pour la 3DS, genre, je sais pas, moi, on a un gros titre, un nouveau IP, un nouveau héros, quelque chose, donnez-nous de la fucking viande, mais rien, absolument rien. Fait que tu sais, tu te dis, le jour du lancement, je me suis dit, ah, ça y est, tu sais, ils savent, ils attendaient qu'ils sortent, puis ils se sont dit, le jour qu'ils vont sortir, nous autres, là, on sort notre race de la manche, puis paf, on va les clencher. Mais c'est ça qui me fait chier. Nintendo, c'est une compagnie que j'adore, mais ils sortent jamais cette carte-là de leur manche. Non, ils ressortent les mêmes cartes tout le temps. Ouais. Mais étrangement, ils ressortent quand même bien parce que ça gagne. Ah, mais ils sont écœurants. Ces jeux-là sont écœurants. Puis moi, je les adore. Puis je vais les acheter jusqu'à la fin des temps. Sors-moi un Mario par mois. Là, je vais tous les acheter. Là. À la limite, je pourrais même lui donner mon portefeuille. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont tout mon support. Mais c'est plate que ça soit juste ça. C'est juste que c'est juste ça. C'est pas c'est une mauvaise chose de sortir plein de Mario Bros. Puis de ressortir Kid Icarus. Tout ça. C'est aucunement de mauvaise chose, mais autour de ça, ça serait le fun qu'il y ait d'autres choses, tu sais. Ouais, ben il y en a des bonnes petites choses. Ouais. Comme Mutant Mods, comme V, comme Cave Story. Quand Cave Story est arrivé, ça oui, là, c'était quand même big, là, tu sais. Mais c'était un gros jeu indie de. C'était un jeu de PC avant, par exemple, tu sais. Oui. Mais c'est ça l'affaire. Pour les gens qui ne jouent pas PC, là. Ouais. Ce jeu-là a été créé. C'est un jeu indépendant. Ouais. Le plus big. On peut s'entendre pour dire qu'un des plus big qui existe, puis il est allé strictement sur Wii, tu sais. Oui. Chris, c'est pas rien, ça. Non, c'est pas rien. Puis ils ont donc bien pas fait un tapage tant que ça avec ça, me semble. Ben non. Il aurait fallu que ça soit big. Ben, un autre mauvais move de Nintendo, ça a été annoncé aujourd'hui que le jeu, le prochain jeu de l'équipe qui a fait Super Meat Boy, qui s'appelle The Binding of Isaac, il était supposé sortir pour la 3DS, puis tout le monde capotait. C'était comme, yes, un méchant bon jeu sur la 3DS, fait pour la 3DS, qui est déjà sorti sur Mac et PC. Ben, Nintendo refuse de sortir ce jeu-là sur la 3DS. Ils ont annulé le contrat à cause que dans Binding of Isaac, ça parle un peu de religion, puis de sacrifice avec des petits bonhommes. Ouais. Colin, grow up. Non, il va falloir que Nintendo change cette attitude-là pour enfants. Mais j'ai peur qu'ils le fassent jamais. Moi. C'est ça qui m'écœure là-dedans. Ça me fâche assez. Ils ont tout ce qu'il faut pour être tellement plus hot. Ouais. On dirait qu'eux-mêmes, ils se mettent des bâtons dans les roues tout le temps. Ils reculent. Puis qu'est-ce qu'ils ont? Ils lisent pas Internet, eux autres. Ouais. Qu'est-ce qu'ils niaisent? Là? C'est mais c'est aussi à cause que... c'est comme je disais, tu sais, la... Parce à cause de Reggie. Oui, c'est à cause de Reggie. Mais c'est parce que, si tu regardes Nintendo, Sony, Microsoft, en Amérique du Nord, on est beaucoup dans nos goûts, Puis là, je veux dire, je parle de tout le monde en général. Si on regarde les, c'est très différent si on regarde du Japon. C'est ça. Si on regarde les stats, là, c'est vraiment... Il n'y a pas d'Xbox au Japon ici, en passant. Là. Non, c'est ça, ça ne se vend pas. Là-bas, là. Pas du mais tout. Nintendo au Japon, là, c'est huge. Ouais. Là, c'est l'affaire la plus grosse qui existe. Ouais, c'est ça. Ici, ils n'ont pas le même support. Ici, le monde vont beaucoup préférer s'acheter Halo puis un 360. Ben oui, que tellement. D'aller acheter Mario Bros. Ouais. La seule affaire qui sauve Nintendo ici, c'est les enfants. Toutes les familles qui ont des enfants vont dire ben là, j'irai pas acheter un God of War, là, je vais aller acheter un Mario. Puis c'est totalement logique. Je ferais la même affaire pour mes enfants, tu sais. Parce que tu voudrais acheter un PlayStation avec quel jeu à ton enfant, tu sais. Moi, je sais. Ben, tu sais, j'achèterais avec Jack and Daxter. J'irais avec. Tu sais, il y en a des jeux. Ouais. Mais sur Nintendo, tu sais. T'es sûr qu'il y en a pas mal plus, puis c'est plus de leur âge, puis aussi que s'ils pètent, ça t'aura pas coûté si cher que ça. C'est ça. Fait que, ben, passe même affaire. Moi, mes enfants, je veux dire, ma fille, elle a une DS qui est pratiquement à elle, tu sais. Je m'en sers jamais, puis je l'ai gardée pour elle, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'elle joue à Nintendogs dessus, elle va jouer à ça pendant 5 minutes, puis elle va fermer ça, puis bonsoir, tu sais. Ouais. Mais. C'est ça, ça me dérange pas, parce que je me dis, ben, tu sais, ça, elle pète. C'est une DS, puis Nintendo, ils le savent. Ils font leur machine solide. Fait que, tu sais, le marché des enfants, là, ils l'ont, là, ben raide. Mais c'est plate de s'en tenir à ça, parce que malheureusement, l'opinion publique. Moi, quand je parle de Nintendo, là, mon gars, là, je suis tout seul de ma gang. Voilà. T'es le seul gars avec qui je parle, souvent, que. Il va avoir mon bac pour Nintendo, parce que le reste du monde s'en sac de Nintendo, là. Mais ça, je trouve ça plate. Je comprends pas pourquoi, parce que avant, quand Nintendo était seul au monde avec sa NES, ben Sega était là, mais on s'entend que bon. Mm-hmm. Sega Master System, c'est pas ça qui torchait, là. Non. Mais il y avait des jeux de guerre, il y avait des jeux de bataille de sang, il y avait. Mais dans ce temps-là, c'était l'équivalent, là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y avait des jeux de Mario, il y avait Kirby, il y avait Contra, Ninja Gaiden, Castlevania. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus ça, tu sais? Tu vas me dire, il y en a, ça oui, mais non, tu sais, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Tu comprends? Oui. Il n'y a pas des jeux de guerre, des jeux de bataille, des jeux... Ben, il y en a, mais pas avec la puissance que ça devrait être, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont chienné à un moment donné? Qu'est-ce qui est arrivé avec la Ultra 64 qui est devenue la Nintendo 64? Ça, c'est là que ça s'est passé. Oui. Au Super Nintendo, il y en avait de la bataille des guns puis du sang. Il n'y avait pas de sang. Mais il y avait quand même de la violence. Non, mais il y en a eu de la violence en masse sur Nintendo puis Super Nintendo. Ben oui. Là. Puis après ça, fini la violence. Ils ont décidé là que c'était fini. Il n'y en avait pas sur GameCube. À partir de là, c'est devenu mais enfantin. Mais on dirait qu'avec la 64, ils ont eu comme un... Moi, je trouve que c'est la 64 qui a démontré un mauvais virage pour Nintendo. Ah oui, c'est là que ça s'est passé. Puis moi, c'est là que j'ai dans 64, il y en a eu des jeux matures. Là. Il y en a eu beaucoup, des jeux matures. Ouais, même si tu regardes le Castlevania qu'il y avait sur 64, là, c'était extrêmement creepy puis dégueulasse. Puis il était poche, le jeu. Mais c'était quoi comparé à... Mais c'était mature. Au jeu de guerre qu'il y avait au PlayStation, tu sais. Non, c'est sûr. Mais écoute, moi, je parle plus comparé à Nintendo comme tel, tu sais. Ouais. Je veux dire, il y a eu visiblement un virage, tu sais. Ben, il y a eu un très gros virage à cette console-là. Il continue de suivre. C'est le même virage aujourd'hui. Ouais. C'est la même pensée. Là. Mais c'est parce qu'en même temps, les affaires continuent à fonctionner aussi, malgré tout ça. Puis ça, c'est le même principe aussi. Tantôt, tu sais, je parlais du chiolage puis des gens blasés. Les gamers aussi, tu sais, on est bon là-dedans. Admettons qu'on va dire... moi, les maudits jeux là, qui se finissent en 5 heures, là, plus jamais, ben, ces jeux-là se vendent là, sans bon sens. C'est des jeux qui se vendent sans arrêt. Ouais, Battlefield, là, tout le monde a chiolé contre Battlefield. Tout le monde. Là, la campagne a été épouvantable. Mais à cause du multijoueur, là, ils en vendent des tonnes et des tonnes et des tonnes. Fait que, tu sais, tant qu'une compagnie vend et est profitable, pourquoi ils changeraient leur stratégie, tu sais? Ouais. Ils changeront pas leur stratégie pour les fans, tu sais, les fans, je veux dire. Non, une compagnie, les fans, ils l'achètent, ils chiolent, mais ils achètent. Ah ouais. Fait qu'est-ce que ça nous fait, nous autres, tu sais? Ils achètent pareil, tu sais. Mais en tout cas, pour revenir sur la track, tu sais, moi, PS Vita versus 3DS, je suis bien content d'avoir les deux consoles parce que, comme je t'ai dit tantôt, je retrouve pas cette expérience-là, le genre de jeu qu'il y a sur Nintendo, je ne les retrouve pas sur une autre console. Puis, dans les dernières années, je te dirais que c'est ça qui a sauvé Nintendo pour moi. Au moment où j'allais les lâcher. Là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est comme la Wii, c'était tout le temps ça. À toutes les fois que la Wii, je me disais comme, oh, fuck, ça va pas très bien. Puis là, il y avait un jeu, mettons, comme, tu sais, Donkey Kong Country Returns qui sort, tu sais. Ouais. Puis là, tu joues à ça, puis tu fais comme, fuck, c'est malade, tu sais. Fait que c'est Skyward ça. Skyward Sword arrive, est arrivé à la fin, tu sais. Ouais, Skyward Sword qui a été vraiment un de mes jeux de l'année, c'était écœurant, tu sais. Ouais. Ben moi, si tu me demandes de choisir, si. Faut que je m'en aille pour toujours sur une île avec une console et plein de jeux. Oui. Je prendrais la Vita, je pense. Parce que c'est effectivement hot, les jeux, c'est big, toute la patente. Mais je trouve que le best, ça serait d'avoir les deux. Parce que tu peux jouer à Uncharted et triper comme un malade, et c'est clair. Mm-hmm. Mais tu sais, en même temps, si Mutant Mode sort, je veux jouer et je veux avoir du fun avec. Oui. Il ne l'aura pas sur l'autre. Fait que je trouve que ça prend les deux, tu sais. C'est pas une meilleure que l'autre. Une a des forces, l'autre a des forces aussi. La 3DS semble être beaucoup plus faible, mais je trouve qu'elle est underrated. Ben moi, je pense que c'est les jeux qui sauvent la 3DS. Ben, ça fait drôle de dire ça, là, mais je pense que c'est les jeux qui sauvent la 3DS. Ben, c'est sûr, là, c'est pas sa force, là, je veux dire, elle a moins, même si elle fait des très belles choses, puis on l'a vu avec leur plus gros jeu, là, Tekken. Donc, mais c'est pas la 3D qui peut la sauver. C'est pas la 3D. C'est pas le fait qu'elle soit 3D. C'est... Moi, en fait, là, je m'en fous un peu de ça. Ouais, c'est ça, mon nom. Mais tu sais, il y a des jeux que c'est le fun que ça marche, tu sais, puis qui servent de ça, ça c'est très bien. Ah, entre autres, c'est ça. Dans Resident Evil, moi, j'ai eu du fun avec la 3D, tu sais, mais. Mighty Switch Force, tu sais, c'est super, Mutant Mods, mais j'achète pas une console parce qu'elle est en 3D. Non, ça, c'est sûr et certain. Mais bon, donc, moi, je suis. Ah, le débat pourrait durer. Ouais, le débat pourrait durer longtemps. Moi, je suis définitivement plus PS Vita. Maintenant que je l'ai, je peux définitivement dire que je suis plus ça. Puis c'est à cause que la console en fait beaucoup plus. Puis, regarder un film sur Netflix avec votre PS Vita, ça torche, man. Ah ouais, ben là, c'est le genre de choses que je fais, par exemple. Non, mais c'est ça, c'est qu'elle en fait beaucoup aussi. Là. Avec ma PlayStation 3, toutes ses skills qu'elle a, tout ce qu'elle peut faire, je m'en sers jamais de ça. J'écoute un film à TV quand je le commande dans mon hélico, tu sais, puis whatever, puis tu sais, mes photos sont dans mon ordi, tu sais, je les brasse pas dans ma PlayStation. Ouais, ça je le faisais au début, mais là je le fais plus. Comme, bien beau que ça puisse faire tout, là, mais moi ça m'intéresse pas ça. Là. Non, plus, moi c'est plus pour les jeux. C'est clair, tu sais. Mais pour toutes ses capacités, pour ses autres gogos qu'elle fait, je m'en sac. Comme je m'en sac que ma 3DS prenne des photos, des photos 3D, qu'on s'envoie des notes, tu sais. Tout ça, là, je m'en fous, éperdument. Moi, je veux jouer, c'est tout. Moi, il y a une affaire que j'ai nommée tantôt, mais là, vu qu'on en parle, je veux le ramener. Là. J'aimerais ça qu'il y ait des achievements avec Nintendo. Ouais, c'est vrai que ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun, tu sais. Ils devraient tellement en faire, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils en font pas? Je sais vraiment pas pourquoi ils en font pas. Ouais. Parce qu'avec la Vita, justement, les achievements, j'ai jamais été aussi accro aux trophées. Ouais, c'est ça. Tu sais, sur ma PS3, je suis pas autant que ça. Puis là, je suis en train de devenir comme Damien de Fun Jouer Jeu. Ouais. J'ai le goût de tout platiner. C'est écœurant. Mais tu sais, c'est une autre affaire, ça, que je suis sûr que Nintendo écouteront pas les fans puis ils le feront jamais. Même. Ouais. Je suis sûr qu'ils vont être assez poches pour pas le faire, tu sais. Mais tu vois, c'est ça, c'est triste c'est quand même fort, là, c'est devenu ça, l'opinion, ben tu sais. C'est comme, je suis sûr qu'ils le feront pas, tu sais. C'est plate, tu sais. Colin, Nintendo. Héros et vilains. Tout le monde, j'avais demandé c'est quel héros ou vilain vous aimeriez entendre parler. Ouais. Puis ça a pratiquement été là, unanime. Tout le monde voulait entendre parler de Albert Wesker. C'est fou, hein? Hey, le monde, il trippe vraiment sur ce personnage-là. C'est sorti de nulle part. Puis pour être honnête, tu sais, ni moi, ni toi, je pense, tu sais, on est des méga fans d'Albert Wesker. Là. Non. Même moi que, tu sais, Alors, je savais même pas c'était qui, en fait, les fans écrivaient ça. Ouais, presque. Oh, que c'est ça, ce gars-là, je connais moi, pas. Moi, je savais c'était qui, mais je me disais, tu sais, j'étais comme, ah ouais, tant que ça, ah, je sais pas, j'ai peut-être pas vu la même affaire que vous autres. Fait que là, je me suis dit, ben, garde, on va répondre aux fans, tabarnouche, c'est le fun qui nous donne des suggestions. Fait que, je vous parle de lui. Fait que Albert Wesker, c'est un personnage de la franchise Resident Evil, comme tout le monde sait. Il a été designé par Isao Ohishi. Isao Ohishi, il a travaillé aussi sur Ace Combat 4 et Parasite Eve 2. C'est pas un 2 de pique. Puis il faisait aussi partie de l'équipe d'animation pour le court-métrage Beyond qui est disponible dans la compilation Animatrix. Ok. Super bon. Ouais. Son kit à Albert, ça en fait un icône avec son long jacket noir, ses bottes puis ses lunettes de soleil. C'est drôle parce que ça fait tellement pas si kit que ça, mais quand tu le vois, tu sais que c'est lui. Faut checker sur Google tout de suite. Ah ouais, check ça, Google-le, Louis. Puis sa première apparition, c'est Resident Evil 1, qui était apparu sur PlayStation 1. Puis c'était un personnage secondaire. Il est apparu dans 6 jeux en tout. Il va être jouable aussi dans Resident Evil. Il est jouable dans Resident Evil Mercenaries 3D. C'est un skin. Puis il a aussi été jouable dans Marvel vs. Capcom 3. Okay. Où il se joint à Doctor Doom. Oh, oh, hey, du haut de l'enfer. Ouais, on peut aussi le voir dans Lost Planet 2 comme skin à débarrer. Bref, aussi au cinéma, il est apparu dans Resident Evil Extinction en 2007 et a été interprété par Jason O'Mara. Et Sean Roberts a pris son rôle dans Resident Evil Afterlife en 2010. Les fans trouvent que le portrait du personnage était parfait, c'était très juste. Il va être présent aussi dans Resident Evil Retribution, qui va sortir en 2012. Ok. Je suis pas un méga fan des films de Resident Evil. Après avoir vu les deux premiers, je t'avoue que j'ai un peu lâché. Il faudrait que j'en écoute d'autres. Je suis pas un fan de films de jeux vidéo et de super-héros tant que ça. Super-héros un peu plus, là, mais tu sais, comme il y en a un de bon sur 6 à peu près. Ouais, là. C'est ça. Puis jeux vidéo, à peu près un de bon sur 20. D'accord. Fait que s'il y en a eu 20, je sais pas. Non, je pense qu'il y en a eu 20. Oh, il y en a eu même plus que 20 d'après moi. Là. Fait que c'est ça, son histoire à Wesker. Je suis allé chercher les grandes lignes de son histoire parce que son histoire est très longue. C'est un bonhomme qu'on a pu voir dans plusieurs jeux, puis c'est des jeux next-gen. Donc, les jeux next-gen, l'histoire, t'as le temps de développer ça. Écoute, chose, ça n'a pas de sens, là. Ils ont toute une histoire de background à n'en plus finir. Il y a de la littérature sur ces jeux-là. Écoute, ils peuvent aller bien loin là-dedans. Là. C'est ça. Fait que je vais vous donner les grandes lignes. Wesker est né en 1960. Il a toujours été avide de pouvoir et de savoir. Ses parents avaient des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Fait que lui et d'autres enfants de son calibre ont été élevés dans le projet Wesker Children sous la corporation Umbrella, qu'on connaît tous, qui est la fameuse corporation de Resident Evil. Ça, c'est le genre de logo, hein, vu de dessus. Là. Oui. Ah, c'est oui. Ça. C'est le logo, entre autres, d'un de nos fans sur Twitter. Oui, c'est ça. Ben, je me demandais, ouais, j'ai vu ça tantôt. Là. C'est, okay. Je me souviens plus, Robert Sam, je pense. C'est d'ailleurs là qu'il a eu le surnom Wesker. Il était particulier par rapport aux autres enfants et le fondateur d'Umbrella, Osweiler Spencer, a vu en lui le potentiel recherché. Ce gars-là, il ne me parlera plus jamais. Mais... Oh, je pense que c'est Luc Moreau, son nom. OK. À 17 ans, Wesker s'est joint à Umbrella Corporation en tant que scientifique chercheur sous la supervision de Spencer. Wesker a ensuite travaillé avec William Birkin au centre de recherche Umbrella sous la supervision du Dr. James Marcus. Ils font des recherches sur le virus Ebola pour créer des vaccins. Durant les 13 années qui suivent, ils font des recherches sur le virus T, le T-virus, pour enfin créer l'arme biologique Tyrant, qui est ça un fait humain des infecté. Mr. T, ça, dans le ouais. Tout des Mr. T. I pity the fool! Un humain infecté du virus qui devient une bête violente et meurtrière, hyper badass. Mr. T, exactement. Pity the fool. Fait que c'est ça, Wesker et Birkin se font ordonner par Spencer de tuer le docteur Marcus et de voler toutes ses recherches. Les salauds. Puis Wesker commence à avoir des doutes sur les intentions de Spencer. J'espère, il te demande de tuer quelqu'un à un moment donné. C'était un peu louche son affaire. Fait qu'il est devenu officier undercover pour le département de police de Raccoon City et le leader de STAR. c'est le Special Tactics and Rescue Service, une division du Raccoon City Police Department, anti-terrorisme et anti-drogue formée de soldats de haut rang et scientifiques. Fait qu'il s'est fait trahir à plusieurs reprises par la suite par ses alliés et durant ses plans maléfiques, Wesker a planifié sa propre mort. Il a gagné les pouvoirs super-humains du virus prototype et travailla pour la mystérieuse Organization et Tricell Inc. Éventuellement, il a voulu transformer la race humaine en super-humains comme lui et être leur dieu de façon à commencer une nouvelle ère. OK. Ah, il y avait des bons, grandes idées. Ah, c'est un freak. Il avait des grandes idées quand même. Il était intelligent puis il voulait devenir un nouveau dieu. Pas le genre de gars qui se questionne ben ben longtemps s'il prend un mochaccino ou ben, un latte, là. Non. Il a d'autres préoccupations, là. Ah non, ben raide, hein, c'est vrai, ça. Fait que Wesker, c'est un expert en arts martiaux. Il a peur de rien, et voilà. C'est, ah, ça, voilà. C'est un genre de Chuck Norris. C'est ça, lui, c'est quoi ses skills, là, dans le fond? C'est ça crée des volées? Ben, c'est ça. C'est un, à main, à c'est de un karaté. Spécialiste en arts martiaux, puis il a des réflexes hyper rapides, c'est ça, grâce au virus prototype. Il a gagné une vitesse super humaine, une vision accélérée et même l'habileté d'éviter des coups de feu comme Neo dans Matrix. Ah ouais, hein? Hey, ça, c'est malade. Pratique. Parce qu'entre autres, il va le faire justement dans le film. J'ai cherché justement à voir ce qui avait été fait de Albert Wesker au cinéma. C'était quand même assez réussi visuellement. Okay. Puis tu le vois éviter des balles, mon gars, pareil comme Neo dans Matrix. Au ralenti, puis tout, puis tout. Ouais, au ralenti, puis okay. Tout, puis tout, là. Mm. Puis, je vais vous donner un spoiler, mais les fans de Albert Wesker, ils savent tout déjà. Il est mort dans Resident Evil 5. Ah oui? Ah oui, c'est, à la fin, il devient comme une espèce de grosse bébite mutante à la fin de Resident Evil 5. Puis, t'es sûr qu'il va... C'est Chris Redfield, je pense, le héros dans Resident Evil 5. Puis, Chris et son acolyte vont le tirer avec un lance-missile à partir d'un hélicoptère. OK. Et c'est la fin du jeu. Fait que, est-ce qu'Albert est mort? Là, il est rentré dans l'ave, il s'est fait shooter 2 missiles. Moi, je pense que on est pas mal certain qu'il est mort. Hein. Et là, le 5e, c'est le dernier. Après ça, c'est Raccoon City. Il y a Raccoon City, mais il y a Resident Evil 6 qui a été annoncé récemment. Ah, OK. Fait que c'est ça. Non, Raccoon City, c'est d'autres choses. Il n'y a pas eu d'autres choses depuis qu'on sait qu'Albert est mort dans le 5e. Non, il n'y a pas eu d'autres choses. Il n'y a pas eu d'autres façons de le savoir. Exact. Parce que, dans, comme j'ai dit tantôt, dans Mercenaries 3D, on peut jouer avec le personnage, mais c'est un skin à débarrer. Fait que c'est pas... Wesker, c'est pas un des personnages dans l'histoire. Okay. Même que c'est une histoire parallèle dans Mercenaries. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, vous en savez plus sur Albert Wesker, puis moi avec, parce que je vous... une idée vraiment de ce qu'il avait fait dans sa vie. Tu sais. Ben ouais, puis moi aussi j'en sais plus. Ah ben oui. Il va falloir que je m'y mette à Resident Evil. Là. C'est bon Resident Evil. Ouais. Comment ça à 3DS, tu vas avoir du fun. Man. Ben en plus j'ai downloadé le démo, ben je l'ai dit, j'ai joué un peu, mais le premier, tu sais, ça vaudrait-tu la peine que je joue au premier, mettons? Je sais que mon beau-frère a le 3, je pense, ou un Nemesis. Ouais. Sur le PlayStation. Il y a du monde qui trippe solide sur le premier, mais moi, vraiment, là, non, ça le fait pas pour moi. C'est plus pareil, tout, là. Non, moi, c'est vraiment, je me dis, tu veux jouer à Resident Evil, commence par la 4. Ouais. C'est mon avis général, là. Okay. Puis c'est un des meilleurs jeux de Wii. Okay. Il était très beau puis très bon sur la Wii, fait que ce serait un bon jeu de Wii à t'acheter. Il est rendu 10$. En 10$, hein, ouais. Ah ouais, il est vraiment pas cher. Bon, ben, coudon. Ça va venir. Ah ouais. Le truc. Avec les trucs cette semaine, moi je vous ai dégoté un truc pour Mortal Kombat. J'ai joué pas mal à Mortal Kombat récemment, puis okay. Je suis pas mal certain que je vais m'acheter la version PS Vita qui va sortir. Fait que durant le loading screen, l'écran de chargement d'une partie à deux seulement, t'entres un code pour activer un mode. C'est le premier joueur fait les 3 premiers chiffres, puis le deuxième joueur fait les 3 derniers. Pis c'est des modes de combat super le fun que tu peux voir entre autres dans les challenges dans Mortal Kombat. Fait que pour un combat sans bras, tu fais 9-1, 9-1, c'était écœurant mon gars, t'as juste tes pieds pis tu sautes, t'as l'air d'une dinde. C'est tout croche, c'est magnifique. Il y a le combat explosif où tes coups vont faire exploser les membres. Ça, c'est magnifique. Okay. D'un coup, là? Oui, d'un coup. Ben, à 227, fin, t'as-tu comme un tronc qui tombe à terre? Ben oui, à un moment donné, t'as plus rien, là. T'es fini. Puis là, le tronc, il continue de vivre, puis il faut que tu le tues ou... Je t'avoue que ma game a pas duré assez longtemps okay. En ce mode-là. Hey, c'est hot. Mais c'était écœurant. Il y a le combat sans tête. C'est magnifique. Fait que là, quand tu kicks d'en face, ça fait rien, dans le fond? Ça passe ça fait dans rien, le vide, ça pas passe dans le vide. Okay. Ça passe dans le vide, fait que là, tu frappes, mais ta tête est plus là. Ça wow. Sert à rien. Fait que ça, c'est 808-808. Et le combat sans saut, qui est quand même vraiment difficile. Ouais. C'est 831-831, puis vous pouvez chercher sur le web, il y en a une tonne plein. D'autres, là, il y en a vraiment un beaucoup. Un combat sans sucre. Un combat sans sucre! Fait que c'est ça pour Mortal Kombat, puis sérieusement, essayez ça, ces modes-là, c'est tellement drôle, puis ça allonge la durée de vie d'un ouais. Jeu qui en a même pas de besoin. Ouais, c'est clair. Bon, ben moi, je vais faire un autre truc de jeu NES qui est ouais. Plus facile à expliquer que Rad Racer, même si c'était pas compliqué, tu sais. En tout cas, je me suis planté ben raide, c'est pas grave. Il y avait trop de chiffres. Il y avait trop de chiffres. Donc là, ça va être pour Castlevania 3 Dracula's ouais. Curse, qui est disponible sur la Virtual Console, si vous voulez. Donc, c'est un jeu dans lequel tu commences avec 3 vies, ouais. Mais si tu veux en avoir 10 au début du jeu, avant de commencer, il te demande d'écrire ton nom. Donc, au lieu d'écrire ton nom, t'écris « Help me ouais. ». H-E-L-P, espace M-E. Donc, vous allez avoir 10 beaux Trevor Belmont prêts à affronter les monstres de la nuit. Yes! Puis, moi, je suis... En fait, quand j'ai découvert ce truc-là avec le Nintendo Power, tu sais, dans le temps, j'avais déjà comme fini le jeu, tu sais. Fait que ça m'a pas servi à c'est rien. Chien! Mais, fait que j'ai réussi pareil à la dure. Mais c'est faisable. Ben, mais c'est un jeu qui est difficile, hein. Mais moi, je vous le conseille parce que c'est facilement dans mon top 5 des meilleurs Castlevania. Oui. Puis il y en a combien, Castlevania? Il y en a 30, genre. Oui. Fait que j'ai adoré ce jeu-là. Puis je vous le conseille, allez le downloader. Puis, mais soyez, tu sais, comme patient, là. Allez, essayez pas ça en vous disant, mais là, je suis pas capable de, tu sais, avancer si vite, là. Non, ça t'avances pas vite, là. Tu sois pas un enfant, là. C'est un ça jeu fait de grand, là, qu'on jeu. Parle, tu sais. Fait que c'est un excellent jeu. Puis ça va vous aider un peu, là, si vous êtes un peu trop faible. Le jeu souvenir. Yeah. Ah oui. Un de tes jeux à toi. Hey man, surtout, c'est un de mes jeux fétiches. C'est toi qui a été marqué par ouais. Ça. C'est toi qui l'as calé, celle-là. C'est moi qui l'ai calé parce qu'écoute, j'ai tellement été marqué par ce jeu-là. J'ai joué, là. Maudit que j'ai joué. Puis je pensais à ça, puis je me disais, c'était un jeu insignifiant pour avoir joué autant, là. Ouais. C'est City Connection. Oui, au Nintendo. Au Nintendo. Un jeu fait par la compagnie Jaleco. Oui. C'est un vieux jeu, hein. C'est sorti assez au début. Quand même vieux, ça fait longtemps, ouais. Hein. Tu sais, de la trempe des jeux que quand tu rejoues, tu sais, tu te dis, waouh, il me semble que le power de la NES n'était pas utilisé au début dans le développement des ben jeux. Ben, raide, là. Mais c'était un jeu d'arcade avant tout. Ouais. Puis, t'es un petit auto, un petit buggy. Il y a une histoire à ça, hein, même si ça n'a ouais. Pas de l'air. T'aurais volé de la peinture puis des tableaux, genre, dans une place, là, dans un musée. Puis tu te promènes à travers la ville. Ouais. Puis partout ce que tu passes, tu peins le chemin en arrière, ouais, arrière de ça. Toi. Comme s'il y avait de la peinture qui coulait en arrière de ton char tout le temps. T'as des obstacles, faut que tu jumpes par-dessus des obstacles avec ton auto. Ça se passe sur 3 niveaux en hauteur. Ouais. Donc t'as des gaps là, entre les chemins, si je peux dire, pour sauter d'un étage à l'autre. Ouais. Puis t'as les autos de police te courent après. Puis t'as un esti de chat de merde ouais. Qui est en plein milieu du chemin. T'as une petite toune quand tu l'écrases, là. Puis ça fait... Tu perds une vie, puis il est tout le temps là, hein, ouais. Ce bâtard-là. Il est petit comme... maudit chat. Tu roules, il y a un chat roules. Capable d'arrêter un char, c'est pas rien pareil. Ah non, c'est là. Pas rien. Il est gros, le chat. Ah là. Ouais, un t'sais, gros si char, tu regardes hein. Le ratio, là... Ah, il est haut comme le char. Il est haut comme le char, tu sais, tout est dans une... Ça ressemble à une Festiva ou ah, une totalement. Fiat. Ah, oh, ouais, comme une Festiva. Colin, c'est... Le chat est gros, le mais chat c'est est bizarre, énorme. Il est pas juste... Tu sais, c'est un tableau qui tourne en rond, là. Oui. Comme quand tu vas tout le temps à droite, oui. À un moment donné, c'est comme le début qui revient, là. C'est comme c'est si ça. Tu tournais autour d'un cylindre continuellement, là, dans le oui. Fond. Puis à un moment donné, le chat, il est pas tout le temps à la même place, tu sais, parce que tu vas, d'un moment donné, tu vas à gauche, il y a de la police, tu vas à droite, tu pognes des cannes d'huile pour lancer de l'huile aux polices, tu sais. Puis tu passes ton temps à te promener partout parce que tu capotes, tu sais, puis tu fais sur tes chemins. Puis le chat, lui, il se promène un peu random, puis on dirait qu'il se rapproche tout le temps de ta position. On dirait qu'il se rapproche! Quand tu gosses tout le temps, puis tu roules pas, tu fais pas du millage, le chat se rapproche, tu sais. Mais il marche pas, tu sais, il se rapproche à séquence, là. Ah oui, c'est vraiment chiant, là, parce qu'il y avait un truc que tu faisais, c'était tout le temps comme tu tournes gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite, tu sais, pour monter, puis sauter, puis faire une espèce de U-turn pour aller sur l'autre plateforme dessus, puis tu voyais le chat se rapprocher tranquillement, la police, la même affaire, là, t'étais pogné. Mais tu pouvais lancer des cannes de peinture aussi à la police. Des cannes d'huile, je pense. Des cannes d'huile. Que c'était, là. Ouais, peut-être que c'est des cannes de peinture que tu leur envoyais aussi, ouais. Ouais. Ça faisait comme tourbillonner les autos de police sur elles-mêmes. Exact. Puis après ça, tu leur rentrais dedans. Puis faire frapper les autres chars aussi en même temps. Ouais, ça, c'est ça. Mettons, il y en a une qui spin, là tu y fonces dedans dans ce temps-là, puis là, elle revole. Mais s'il y a trois autres chars en arrière, ben, ça va toutes les ramasser. Oh, oui. Ça, c'est très satisfaisant, là. C'est drôle parce qu'il y avait comme trois mondes là-dedans. Il y avait genre, tu sais, New York, Paris, Londres. Ouais. Ben, à l'arcade, j'ai lu tantôt sur Wiki qu'il y en avait 12. Hein? Ouais. Plein de villes du monde. Fait que c'est quoi, nous autres, on en a juste trois? Ben, je me suis jamais rendu jusqu'au bout. C'est donc cheap. Moi, j'ai fait le tour super souvent. Puis ah oui? Ça revient tout le temps au même tableau. Ah, ben, tu sais, je me dis, il y a trois villes. Puis dans ces trois villes-là, tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Il n'y a, a aucun nouvel élément là-dedans. Ben, la forme là, des chemins change un peu des fois. Oui, la forme des chemins peu, change. Puis aussi, une affaire qui est comique, il y a trois tableaux, mais tu peux avoir un warp. Oui. Tu sais, tu peux pogner un warp zone, c'est comme, yes, on m'en va dans le 2 de 3. Oh, c'est clair. C'était comme pas mal inutile. Moi, je jouais à ce jeu-là sur une... J'avais ça sur une cassette 32 dans un. Ouais, il l'avait sur ses cassettes. J'étais content à barnache parce que le jeu, il était en stand-alone. Là. Tu pouvais l'acheter pour 60$, tu sais. Ah oh, ouais, ben ça, fou. Imagine. Hey, c'est fou, hein? Maintenant, début, on chiasse sur le prix des jeux, mais tu pouvais jouer à City Connection pour 60$. Ah oh, ouais, il y a du monde qui a acheté c'est ça malade. À plein prix, là, le vrai. Ah! Là. C'est quelque chose. Ben, je me souviens, moi, justement, tu sais... un autre jeu là, qu'on parlera un autre tantôt, là, mais Ice Climber, ouais. J'ai payé 60$. Ah ouais, tu l'as acheté je 9? Je l'ai ça? Acheté 9, ah moi. Ouais. Fait que, tu sais, tu te dis, tabarnouche, tu sais, ah, c'est un one-trick pony. Ça, là, t'sais, c'est une affaire, ce jeu-là. C'est là. Donkey Kong, le premier des premiers sur Nintendo. Il y a trois tableaux, il se passe rien. Et c'est oui. Plate à la mort. c'était le gros prix. Moi, je me rappelle, j'avais un ami chez qui j'allais. Je sais pas s'il écoute le podcast. Guillaume. Puis il venait d'acheter un jeu au Nintendo, tu sais, puis il était comme le premier à avoir Nintendo. Puis là, j'arrive chez eux, tu sais, puis il avait acheté Donkey Kong. Là, j'étais. Ah, oh, tu sais, il y a comme contrat, ça existe. Ouais, c'est ça. Il a acheté Donkey Kong, le premier, tu sais. Ah, comme 5 minutes de jeu après t'es tanné. En tout cas. Mais ouais, c'était petit jeu City Connection quand même. Non, c'était pas super gros, puis ça me faisait rire aussi, si tu regardes la couverture, tu sais. Les voleurs dans ce temps-là, là, c'était tout le temps une chose magnifique et tellement prestigieuse d'être un voleur. Ouais, t'étais classé, t'avais un petit kit en cuirette blanc avec les cheveux blonds au vent, comme je vole des tableaux. Ouais, c'est ça, dans le screen de départ quand tu pars le jeu, hein. Ouais. Il te faisait un petit piece, là. Ouais, il était comme net soleil, là. Il était un petit peu, ouais, il était bien hot, là. Parce que même la musique, la musique est super. Puis, c'était écœur, hein? La musique est super bonne. Puis, mais ça, moi, c'est un jeu que je reviens souvent, moi. Ouais, ben, moi, j'aimerais ça. Ah, ben, toi, tu l'as acheté, sa Virtual Console. Ouais, je l'ai acheté sur Virtual Console. C'est vrai. C'est 5$, puis sérieusement, acheter ça. Ah, ouais, c'est tellement clair. Parfait, là. Je veux ben dire, oui. Quand. Admettons que t'es pacté. Ouais. Puis que t'as pas grand temps souvent. À passer. Ouais, c'est ça. Puis t'as pas grand temps à passer sur un jeu. Ouais. C'est juste un petit quickie, là. Colin, c'est merveilleux, mon gars. Ben, ça, c'est important des jeux de même, parce que moi, j'allais souvent jouer à Vanquish avant de me coucher, tu sais. Ouais. Je me couchais nerveux, man. Ben, je comprends, tu sais. Parce que tu clignes pas des yeux, tu sais, t'as le cœur qui te déborde, ben ouais. Tu sais, pis tout. Pis là, je me suis rendu compte que quand je jouais à ça, tu sais, un soir de semaine, mettons, ouais. Tard, ça marchait pas, là. Ben non, c'est sûr. Faut que je me couche calme, moi, j'étais un gars de même, tu sais. Ben fait, non. Si tu connexions, ça m'a compté les moutons. Ah, c'est comme moi, justement, par rapport à ça, là, je trouve ça drôle qu'il y a du monde, avant de se coucher, qui écoute des films d'horreur ou qui vont jouer à à un gros jeu intense, justement, comme Call of Duty. Ouais. Moi, j'ai joué à m'acheter énormément cette semaine pour faire ma critique. Ben, crime, j'ai fait. T'as joué à m'acheter? Et pas m'acheter. Tu as vu à quel point ça n'a pas d'allure, ce jeu-là ressemble à ça, à Shank 2. Ouais, ouais, c'est ça, ça ressemble. Bien. Mais, tu sais, j'ai joué à Shank 2 toute la semaine, puis, crime, je me couchais, là, puis je rêvais que tout le monde avait des machettes, puis qu'ils se coupaient les bras, puis que tout le monde avait des mitrailleuses partout, puis qu'il n'y avait plus de liberté nulle part, puis que j'étais pris là-dedans, tu sais. Ouais. Je me disais, tavernouche, c'est malade, là, c'est à quel point ça vient jouer dans ton cerveau. Si j'avais joué à City Connection, hey, t'aurais bien dormi, mon gars. Je volerais des tableaux avec de la petite musique, il y aurait des chats qui fonceraient sur mon char. Ah, ouais, ah, ouais. Je pourrais faire envoler des chars de police avec de la peinture. Ma vie serait tellement belle. Ça serait relax, la musique fait tout. Ouais. Tu sais, en plus, le char dans City Connection, il ressemble un peu à ton char. Oui, c'est vrai. C'est à peine s'il n'est pas en même couleur. Hey, c'est vrai, je pourrais le peinturer blanc avec des petites stripes rouges, là. Ça serait pareil. Puis, tu sais, City Connection, il y a comme dans le logo, je ne sais pas pourquoi, un petit cœur avec une flèche au travers. Oui. Là, tu pourrais mettre ça. Là, hey, je pourrais mettre ça dessus, Colin. Puis, je dessinerais City Connection sur le hood. Tu devrais prendre une photo de ton char, man. Ouais. Puis, genre le brandé dans Photoshop City Connection. Colin, c'est une belle idée de mash-up, ça. Ah, ça serait un bon mash-up, ça. Genre, un char de Bruno City Connection. Et puis, on pognera un chat, là, et puis on va le mettre devant. On pogne un chat, on se prépeinte rose, puis on le garoche sur le char pendant que je... Ben, écrase-le, là. Il est supposé arrêter. Puis on mettra une balloune en avant, là, pour comme la balloune, c'est pour faire un warp. Eh oui, ça serait parfait. Puis on demande à des chums policiers s'ils peuvent pas rouler bien vite, puis qu'on leur pitch des tonneaux de chez nous, de j'ai des peinture. Vieux galons de peinture, ça fait... Christy, mon gars! 1+1. Ben voilà. On s'en va faire ça tantôt. Hey, on y va tout de suite. Hey, ouais, on y va tout de suite. Fuck dormir, on va faire une vraie affaire. Il est tard, anyway, là, on va faire des niaiseries après le podcast. Fait que c'est ce qui conclut cet épisode de Rétro Nouveau 20e. Colin, on est tellement content d'être de retour. Là, ouais, pis, il n'y aura plus de pause puissante comme ça ben, en plein milieu de l'année. On dit ça. On dit ça, mais tu sais, ça peut arriver. Mais là, c'était quand même assez exceptionnel. Là. Ça ne devrait pas être au pire là, dans l'avenir. Non, c'est ça. Parce qu'on en a besoin aussi. Moi, j'avais hâte en tabarnouche de revenir enregistrer. Ah ouais, c'est clair. Puis en plus, tu sais, t'écoutes les autres podcasts puis tout, puis c'est cool. Puis là, t'as des choses à dire. Ouais, t'es comme, moi avec, j'ai le quoi. Moi aussi, je veux faire un podcast, là. Bon. Non, fallait que ça sorte, là, ce 20e épisode-là. Puis là, je vois 2h45. Tu vois, ça va être un long Ça va être un très long épisode. Mais regarde, je pense qu'avec la Vita, avec la pause qu'on a eue. La Vita aussi, j'en ai parlé avec la pause, pas mal. Ouais, c'est ça. Avec la pause qu'on a eue, c'est parfait. Ça vous en donne en masse. Puis avec l'arrivée de la Vita aussi, puis tout ça, ça prend bien du temps aussi, là. On en parlait. C'est pas tous les jours qu'il sort une nouvelle console. Eh boy, non. Mais non. Il y a même un jeu que je voulais parler et qu'on n'a même pas parlé. On en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Puis moi d'ailleurs, j'ai un jeu de 3DS là, que je vais télécharger. Je vais probablement en parler la semaine prochaine. Peut-être que toi, tu vas y jouer aussi. Là. C'est quel, là? C'est Dylan's Rolling Western. Ben, je n'ai eu envie. Je l'ai pas downloadé encore parce que là, je suis en plein dans. Kirby Mass Attack sur la DS là, dans le fond. Puis, mais j'ai envie de le downloader ça. Ah, il a l'air tellement bon là. Ça a l'air vraiment solide. Puis en plus c'est une équipe de développeurs de Nintendo qui travaille sur ce jeu là. Fait que c'est pas un petit jeu là. C'est vraiment un gros jeu. C'est juste le tu sais c'est un jeu d'action mélangé avec du Tower Defense. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais il y a des bonnes critiques là. La réception est super bonne. Je vais probablement aussi, là, j'hésite là entre 4 jeux à m'acheter pour mon prochain jeu next-gen sur console. Il y a Asura's Wrath, qui m'intéresse énormément. J'ai joué au démo, puis... Moi, j'ai adoré le démo de Asura's Wrath. Okay. Bon, on en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Il y a Binary Domain qui m'intéresse beaucoup. OK. Il y a SSX qui m'intéresse beaucoup, qui est vraiment, vraiment le fun. C'est un jeu de snowboard. Ouais, hein? Mais vraiment cool, super bien fait. Puis, il y a aussi The Darkness 2 que j'allais acheter à la sortie, mais regardons ça, la PS Vita est sortie, fait que ça m'est comme complètement sorti de la tête. Ouais. Mais là, je vais retomber sur terre, puis je vais probablement me pogner un de ces 4 jeux-là là, dans les semaines qui vont suivre, parce que il y a du bon stock qui sort là, vraiment. Là. Ah ben moi je viens de me pogner Cave Story 3D finalement. OK. En fin de semaine passée. Wow. Ben vraiment content parce que je le cherche depuis un bout. Puis je l'avais usagé chez EB Games. Puis Il n'a pas levé ce jeu-là. C'est vraiment dommage. Il n'a pas levé. Mais les ventes marchent pas. Non. Ben je comprends un petit peu pourquoi. Là. Mais je vais en reparler quand même plus tard quand je vais être plus avancé. Là. Mais non, j'étais vraiment content. Puis je joue à ça là, présentement. J'étais en train de le refaire. Là. Donc je trippe. Downloader bien des démos aussi. J'ai downloadé Azuras Wrath, Rayman Origin, j'ai downloadé le Pixel Junk Shooter, genre. Ouais. J'ai downloadé un jeu intéressant, Outland. Ouais. J'ai joué un petit peu, là, mais c'est cool. Là. C'est intéressant. J'ai adoré Outland. Je joue encore. J'ai des jeux de NES qui dorment aussi que j'ai acheté et qui sont vraiment bons. Puis j'ai deux jeux de PlayStation 2 qu'il faut que j'essaie. OK. Shadow of the Colossus. Joué à ça. Ah, man. Que j'ai. Et puis Keller 7 de Suda 51 que j'ai au PlayStation 2, puis j'ai même pas joué encore. Donc, en tout cas, ça va venir. Hey, d'ailleurs, j'étais supposé d'en parler en intro, mais je vais en parler bien vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Là. Moi, j'ai téléchargé le jeu des Simpsons Arcane, vu que j'ai le PlayStation Plus. Puis je peux vous dire que c'est un jeu qui a tellement mal vieilli. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. c'est plus aussi le fun que ça l'a déjà été. T'sais. Le fait d'être à l'arcade avec des pitons, ça fonctionnait tellement bien. Ouais. Mais tous ces jeux-là d'arcade, t'sais, comme, admettons, Captain Commando, X-Men, Les Turtles, t'sais, c'est tous des jeux qu'à l'arcade, j'ai tellement dépensé de cash là-dedans, c'était débile, mais c'était l'expérience arcade. Une fois que tu mets ça chez vous, là, c'était aperçu qu'il n'y a pratiquement aucune technique. Là. Tu peux citer Python, that's all. Ouais. Ce qui est plate du jeu des Simpsons, c'est que il est en 4.3, il n'est pas en 16.9. C'est vraiment ROM original. C'est drôle, ça. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça. C'est correct, mais tu sais, je sais pas. J'aurais aimé ça comme un rehaussement HD quand même. Ouais. Tu sais, je trouve ça. On va jouer à tremblant à ce jeu-là, à quatre en même temps. Exact, c'est ça hâte que je me dis. Si on va être capable d'en tirer du plaisir, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Là. Je pense que n'importe quoi, on va être capable de se tirer du plaisir à ce party-là. C'est clair. Fait que, bref, là-dessus, on va aller se coucher. On va aller se coucher. Il commence à être tard. Fait que, on va aller se coucher, puis moi, je vais commencer à monter ça demain parce qu'on a bien hâte, de vous faire écouter ça. De toute façon, si vous écoutez présentement, ça veut dire que j'ai fini de le monter. Ben vous avez fini de l'écouter. Vous pouvez aller vous coucher. Fait que, c'est cela. OK. OK. Fait que bon, salut tout le monde. La semaine prochaine, si Dieu le veut, au 21e épisode. Ouais, la semaine prochaine, 21e épisode, ben raide. C'est trop le fun de faire ça. Yes. OK, ciao. Bye. Retro Nouveau.